Bon Laurent, le prochain podcast, là, ça se passe comment ? Prochain podcast, bah déjà on va avoir la paix. Je sais pas, avec l'actu en ce moment, je sais pas, il faut qu'on trouve des sujets. Bon, en tout cas, je voulais te remercier, je te le dis à huis clos parce qu'il n'y a personne, mais merci de m'avoir mis à la place de Sey. Franchement, grosse ascension, ça a été très vite pour moi. La lèche, ça m'a bien réussi. Ah, merci. La lèche, moi j'aime bien la lèche. Et puis, de toute façon, Sey, bon ben tu vois. Ah, moi j'en pouvais plus. Commencer à avoir des cheveux blancs et tout. Donc, bon. Il faut passer la main. Voilà, c'est ça. C'est bien joli, parler tout le temps de la Famicom, mais bon, maintenant il y a la PS5 qui arrive. Quoi. Attends. Je crois qu'il arrive. Oh merde. Alors, on n'attend pas Sey ? Salut Sey ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Salut en les vacances. Amis. Non, je suis revenu pour le prochain podcast, quoi. Vous n'êtes pas en train de faire un briefing sans moi, quand même ? Non, tu rigoles. Non. Jamais sans toi, le podcast c'est toi, Sey. Bah oui. Attends, c'est impossible. Ouais, ça. Vous ne feriez pas ça ? Non, c'est pas mon genre, c'est pas ton genre, Laurent. Ah non, surtout pas. Ce serait mal nous connaître, on n'est pas du tout comme ça. Par contre, ça nous fait plaisir de te voir, Sey, franchement. T'as passé de bonnes vacances, quand même ? Oui, très bien, très bien, mais on en reparlera au prochain podcast. À la prochaine. Salut, Sey. Salut, Sey. On s'en sort bien, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il devait pas revenir dans 3 mois, ce con ? Mais t'étais au courant ? Bah, non. Salut tout le monde, c'est Sey, bienvenue à la 43e émission des podcasts de VR for Player, et on va discuter autour d'un VR. Et on est très heureux de faire cette rentrée avec vous, on est entre amis, on est en confiance, et j'accueille Laurent, salut Lolo. Salut Sey, toi ici ? Moi ici. T'étais invité ? Bah non, j'ai pas reçu le mail, tu vois, bizarrement, mais bon, je le sens, c'est mon petit le podcast, donc. Oui, c'est vrai. Quand il y a une couche pas fraîche, je ressens maintenant, je suis entraîné. Oui, c'est vrai que ça te connaît maintenant. Voilà. Et ensuite, nous avons Majo. Ça va, Majo ? Bah, salut à tous, c'est Majo, bienvenue sur la 43e émission des podcasts de VR for Player. Vas-y, voilà. Sois pas dégoûté, t'en feras d'autres. J'y étais là, t'imagines le zéro de plus sur mon chèque à la fin du mois ? C'est fini ça ! Ah mais t'es payé toi ? Non, il a dit le zéro de plus en plus du zéro qu'il a déjà. Ça fait le double zéro. C'est quand même c'est zéro derrière la virgule grade, en fait. Bientôt la virgule. moi en tant que chef j'ai 3 zéros. Eh ben oui, ça va, écoute, ravi de te retrouver, ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir de vous retrouver, du coup on se remet un petit peu le pied à l'étrier, ça fait 2 mois qu'on s'est pas parlé. Enfin, un peu plus pour moi, d'ailleurs. Et il y a 2-3 petites choses, quand même, qui sont passées pendant cet été. Par exemple, vous avez pu retrouver tous les dossiers pendant l'été de VR for Player, ceux que vous auriez pu louper pendant l'année. On a eu quelques galères à un moment, mais bon, voilà, c'est la technique qui part un petit peu en sucette. C'est toujours ça, à la rentrée, c'est normal. Au niveau du podcast aussi, les 2 dernières émissions, bizarrement, celles qui étaient hostées par Majo, ont disparu du serveur. Il y a complot. Coïncidence. Je pense. Mais donc voilà, non. Je sens un vieux avec des cheveux blancs qui serait passé par là. Non, pas du tout. Ah, c'est pas du tout mon jeu. Non, sérieusement, on a une grosse galère en fait au niveau des serveurs d'origine. Donc du coup, normalement, c'est tout rétabli depuis une bonne grosse semaine. Donc désolé pour nos auditeurs qui n'auraient pas pu écouter ces épisodes avant. Bah du coup, vous pouvez y aller maintenant. Ensuite, on va enchaîner directement sur la dernière sortie majeure sur PSVR. Qui va faire plaisir à beaucoup de fans et beaucoup de quarantenaires, c'est Vader Immortal. Et c'est Majo qui l'a testé sur PSVR. Et ouais, bah plaisir, ouais, ça aurait pu, ça pourra faire plaisir à certains, et je pense qu'à d'autres, ça sera pas la même chose. Ça va un peu tiquer. Ouais, bah disons que y a plusieurs arguments à ça, alors... Comme je disais, je l'ai noté parce qu'il fallait que je lui mette une note, mais c'est vrai que sur ce genre de jeu-là, ou d'expérience, c'est compliqué de noter, dans le sens où voilà, c'est difficile de le noter soit comme un jeu, soit comme une expérience. Bah c'est pas un jeu standard, quoi. C'est pas non, un jeu comme on entend mais en c'est parler, pas vraiment un jeu non plus, mais c'est pas une expérience, comme je dis, parce que je trouve que ça coûte très cher, et puis il y a quand même des gros moyens derrière. Donc on le rappelle, c'est 30 euros, c'est ça ? Ouais, 26. Alors c'était 26,99. J'ai pas regardé si ça avait été mis à jour puisque c'était annoncé pour 29,99. Donc en général, il faut une conversion pure et simple. Donc maintenant, peut-être que c'est ça qui fait que c'est un peu moins cher. Mais surtout, voilà, la durée de vie, elle est de 2 heures maxi. pour les trois chapitres. Pas 2 heures chacun, je dis bien 2 heures pour les trois chapitres. Mmh. Et pour 26 euros, ça fait court. Alors, t'as un mode de dojo de sabre laser qui est ni plus ni moins qu'un mode défi, si tu veux, avec plusieurs vagues d'ennemis qui viennent et dont tu dois te débarrasser le plus rapidement possible. Et tu vas débloquer des skins, voilà, pour ton sabre, que ce soit la crosse ou la poignée, pardon, ou la couleur de ton sabre. Et, et puis c'est tout, quoi. Et après, tu vas avoir un challenge, si tu veux, où tu vas récupérer des étoiles en fonction du temps que tu mettras à te débarrasser de tout le monde. Et puis voilà, il y avait énormément, en fait, sur le papier, le truc, il avait l'air génial. Alors, il est bien, encore une fois, il y a des choses qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Le scénar, déjà, c'est quand même fait par David S. Goyer, donc c'est un vrai scénariste qui a fait The Dark Knight Rises, si je dis pas de bêtises, le Batman. C'est pas The Dark Knight, non ? C'est Batman, oui, c'est ça, The Dark Knight. C'est le deuxième. Et il a fait Blade, la série des Blade aussi, il en a fait deux, je crois, sur les trois. Et puis pareil, le studio qui réalise, c'est Yelamix Lab, qui fait partie de Lucasfilm. Et donc, gros moyen, quoi. Enfin, grosse habitude pour la techno, les effets spéciaux, tout ça. C'est la boîte qui a été créée justement quand ils ont fait l'épisode 4 de Star Wars dans fin 70, quoi. Oui, c'est ça, c'est possible. C'est ceux qui s'occupaient des effets spéciaux de l'époque, peut-être. C'est ça. Et je suis pas assez, j'en connais pas assez pour confirmer ça, mais sûrement, je te fais confiance là-dessus. Et donc, du coup, ouais, sur le papier, franchement, t'as tout qui était réuni, quoi. Alors après, clairement, voilà, graphiquement, c'est quand même très très beau. L'ambiance est liée. Enfin, moi, dès le départ, l'entrée du jeu est quand même assez impressionnante. Enfin, la partie hyperespace, la partie avec le croiseur impérial là qui arrive juste au-dessus de toi, qui est juste gigantesque. Non, il est classe. Hein. Oui, c'est classe. C'est voilà. Et puis, après, je spoil pas là parce que c'est vraiment le début. Et puis, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Et puis, même l'arrivée de Dark Vador. Je l'imaginais pas aussi grand, quoi, surtout tu vois. Surtout qu'en un quart d'heure, tu peux spoiler tout le jeu. Oui, tout le premier épisode en tout cas. Ah oui, c'est facile, sur 2 heures, c'est clair que. Mais bon, là, voilà, je spoil pas grand chose, c'est des trucs que les gens ont déjà vus. Mais... Juste pour replacer pour ceux qui sont vraiment à fond sur Star Wars, il me semble que ça se passe après l'épisode. C'est entre le 3 et le 4. Entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, en fait. Et ça se passe sur la planète. Sur Mustafar. Sur Mustafar. La planète où Anakin est mort et Dark Vador est né. Voilà. a connu le côté obscur. C'est officiellement. Ça, il est devenu le méchant le plus classe de l'histoire du cinéma. Voilà. Et donc, du coup, on le suit et ça oui, il y a des références. Mustafar. Mustafar, oui, c'est ça. C'est ce que c'est je disais. Ça. Ah, d'accord. Non, mais j'ai travaillé, les gars, je me suis renseigné et tout, franchement. j'ai essayé de d'être au maximum crédible dans mes propos, donc non, j'ai bien bossé mon sujet. Je fais pas de la lèche pour rien, quoi, tu vois. je l'ai terminé hier, du coup, mais je l'ai pas terminé sur PSVR, je l'ai récupéré sur l'Oculus Rift S, nouvellement acquis d'ailleurs. Félicitations. Mais c'est merci. Et c'est globalement c'est exactement la même chose, sauf que voilà. Pas du tout. Non. La seule différence. Mais pas du tout. C'est pas du, attends, du tout la même chose. La seule différence, c'est que c'est peut-être un peu plus fin. Et l'autre différence, c'est que t'as les déplacements libres. Mais encore, je trouve que ça apporte pas grand-chose par rapport. Ah non, mais ça casse l'expérience. Ah non. Téléportation, franchement. Là, c'est le, en le 2020, problème de ça. Voyons, essaye. Non, mais c'est ça dépend des jeux. Je veux dire, je non, mais un pas, peu plus. Pas sur celui-là. Ah, sur celui-là, justement, c'est des couloirs. C'est des couloirs, et à un moment, tu avances dans des couloirs, et après, tu as un espèce de point fixe sur lequel tu dois te poster pour pouvoir faire des actions, faire des combats, ou faire des énigmes, enfin, si on peut appeler ça des énigmes, ou alors carrément avoir une mise en scène devant toi. Tu l'as fait en téléportation ? T'as pas besoin. Oui, je l'ai fait aussi en téléportation, mais t'as pas besoin de gigoter dans tous les sens. Non, pour, pour en profiter. En fait, si tu veux, c'est pas vraiment le fait que ça soit que de l'ATP le problème. Enfin, d'une part, c'est un problème parce que t'en as beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est les écrans noirs entre chaque TP. Ah ouais. Et ça. Et sur PSVR, parce que ça, je l'ai pas vu sur PC. Et sur PSVR, t'as pas moyen justement de changer ça. T'as pas des réglages Non. Les seules options que tu peux régler, c'est ça qui est paradoxal, c'est que dans le menu des options, les seules options que tu vas pouvoir régler, ça va être des options d'accélération. Mais pour un jeu en TP, ça sert à rien. Alors pendant un moment, je me suis dit peut-être que Ça peut aussi venir merde, ça peut être pour les phases d'escalade, je vais y arriver, mais en fait pas du tout, parce que même les phases d'escalade, elles ont une partie option propre à elles, si tu veux, donc rien à voir. Donc pourquoi ce truc il est là au final? Donc en fait moi je trouve que au final ça reste un portage paresseux, voilà, parce que le jeu en lui-même il est bien, franchement, comme je dis, le scénar, bon, ouais, c'est pas ultra original, mais c'est quand même cousu, c'est intéressant. Il y a du background, y a quand même, c'est quand même croisé avec l'histoire originale de Star Wars. Ouais. Et t'as quand même la partie combat sabre laser, t'as le pouvoir de la force qui est inclus dedans. Une fois que t'as les deux mélangés, il y a quand même moyen de s'amuser et de payer des bons délires. Enfin, moi j'adorais triper à ramener les Stormtroopers vers moi et les finir avec le sabre. Ouais, ça marche bien ça. Y a vraiment de quoi s'amuser, il y a du potentiel, mais. Le problème, c'est que voilà, comme dit Laurent, on est en 2020, donc 2020, c'est 4 ans après le début de la VR. Le jeu, il est sorti en mai 2019 pour le premier épisode. Alors, tu sens quand même l'évolution entre les trois. Tu vois quand même qu'il y a un gap graphique. C'est beaucoup plus net, plus lisse sur les derniers. Mais par contre, le gameplay, je suis désolé, il est vieux. Il est daté, quoi. Il est daté. Super vieux, quoi. Enfin, mais il est adapté aussi, surtout pour les gens qui connaissent pas la VR aussi, qui voudraient profiter justement de l'expérience. Ouais, mais à vouloir trop. Ça fait 4 ans. Et il y a ça. Non, parce que là, je suis en train de voir venir l'excuse bidon qui nous pompe depuis 4 ans en disant on vous a foutu de la téléportation parce qu'il y a des gens qui commencent en VR, gna gna gna gna. Non, mais dans ces cas-là, tu laisses. Non, mais les gars, dans ces cas-là, tu laisses le choix. Je veux dire, aujourd'hui, tous les jeux font ça. Sur Quest, il n'y a pas de téléportation, il y a des déplacements libres. Ah oui, non, c'est déplacements libres. C'est pas une histoire de puissance, c'est déplacements libres. Ça, c'est pas normal. ILM Lab. C'est pas non plus une histoire de move parce que il y a plein de jeux qui utilisent le déplacement libre avec autant de commandes sur les boutons. Je prendrais toujours No Man's Sky comme exemple, mais c'est un modèle d'optimisation de contrôle. Ce jeu, c'est un truc de fou. Hein. Donc bref, le problème, c'est que pour moi, l'ATP, ça gâche tout dans le sens où ça te casse l'immersion en permanence dans l'épisode. Et ensuite, le fait que le jeu soit épisodique, ça aussi, ça te casse l'immersion, parce que t'es obligé de fermer ton jeu pour repasser à l'épisode 2, et c'est des jeux qui durent 45 minutes le premier, je crois que j'ai fait 30 minutes le deuxième, et 50 ou 55 minutes le dernier. C'est vrai que le deuxième est méchamment court, hein. T'as l'impression justement que l'histoire commence vraiment, que l'aventure, enfin ton épisode commence, et boum, c'est générique. Ça. Et du coup, ça aussi, ça te casse l'immersion. T'es dans le truc, et puis bam. Alors, quand je dis qu'ils sont un peu feignants, franchement, ils auraient pu faire un seul jeu. En un seul bloc, si tu veux, enfin, compiler les trois versions dans un seul truc et déjà rajouter un peu de cohérence, si tu veux, dans l'univers et d'immersion, si tu veux, dans la conversion, tu veux dire, parce que justement, elle a été développée épisodiquement. Je sais très bien, mais bon, le développement épisodique, il s'explique parce que le jeu est sorti à 6 mois d'intervalle entre chaque épisode à peu près. Là, c'est pas le cas, si tu veux. Là, ils ont sorti la trilogie d'un coup, mais si vous voulez faire un vrai portage, ils nous mettaient des déplacements libres comme les autres. Et ils nous compressaient tout ça dans un truc, et franchement, là, pour moi, on y aurait gagné, quoi. Parce qu'après, c'est ça qui est chiant, c'est que l'univers, il est génial. La réelle, bon, c'est pas. Il y a de l'aliasing, il y a du flou. T'as une partie où t'es dehors, où tu vois au loin, c'est hyper flou. Enfin, même si c'est un JPEG, ça reste flou. Mais bon, après, c'est. Je me souviens de cette séquence, ouais. Ça reste la limite de la console, mais. Ce que je veux dire, c'est que il y a énormément de potentiel dans ce truc. Et même moi, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé continuer à avancer dans l'histoire. Mais putain, tu vis pas ton truc pleinement. T'as toujours l'impression d'avoir un truc qui bloque. Alors, t'as aussi des problèmes avec le pouvoir de la force. Donc, comme je disais, c'est génial, mais c'est pareil, pointé. C'est pas toujours évident, si tu veux. Des fois, c'est pas très précis. Voilà, tu vises quelqu'un et puis en fait, tu vas pas forcément viser le mec que tu regardes. D'ailleurs, ça serait intéressant, ça. Je sais pas, j'y ai pensé l'autre jour. Je sais pas si c'est possible de faire un système de visée avec le eye tracking dans les casques au sein du jeu. Pourquoi pas ? Si, c'est possible. Parce que là, par exemple, quand tu fais des trucs avec la force, justement, tu regardes là où est-ce que tu veux amener le mec, tu tends le bras et puis le mec il vient vers toi, tu vois. Enfin, quel mec tu veux sélectionner, pardon, et puis le mec il vient vers toi. Ça pourrait être pratique. Bon, bref, c'est une aparté. Même moi avec les contrôles sur PC, avec les contrôles du Rift S, j'ai un petit peu galéré justement. À un moment, tu prends une petite pierre et tu dois l'enclencher dans un petit. Dans un mécanisme. Là, j'ai l'impression de gérer un semi-remorque, quoi. Enfin, d'essayer de garer un semi-remorque. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est, là, c'est, c'est là où tu vois que c'est daté en fait. Et c'est ça un peu que je lui reproche, c'est qu'aujourd'hui t'as des jeux qui, enfin forcément ils souffrent de la comparaison du catalogue. Et t'as des jeux qui vont être clairement moins chers et beaucoup plus efficaces quoi. Dans l'immersion, alors là c'est Star Wars, donc je pense que tu dois payer un peu la licence quand même. Faut pas se leurrer. C'est sûr. Mais je trouve que c'est un, pour le résumer, voilà, c'est un portage un peu feignant quoi. Voilà. Moi c'est comme ça que je le résumerais. C'est pas faux. Alors il y a un truc qui est pas trop mal, même s'il y a une toute petite différence de prix, la version PSVR par rapport à la version PC, ils ont pas non plus abusé comme des ports. Non, bien sûr, bah, ça reste, je crois que c'était 10€ l'épisode. C'était 10€ je crois la sortie, maintenant je crois qu'ils sont à 8€, donc tu vois, ça a même pas beaucoup baissé l'épisode. Ouais, ouais. Ce qui est non, mais ça reste correct, mais. Enfin, ça reste correct. Tu peux pas. Enfin. C'est pas parce que c'est Star Wars que tu peux passer outre ça, si tu veux. C'est, en fait, au final, c'est ça. C'est que si t'es fan de Star Wars inconditionnel, que t'as tout chez toi, que tu connais tout le lore du game, oui, vas-y. Franchement, vas-y, tu seras pas déçu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y aura effectivement ce problème d'immersion, vas-y. Mais pour le reste, donc, tu vois, moi, si tu remplaces j'aime la skin Star Wars par la skin par Harry Potter, chose, ouais, il se fait défoncer. Ça marchera pas, quoi. Ouais, il se fait défoncer. C'est sauf ça. Sauf si t'aimes Harry Potter. Voilà. Oui, bon, t'as compris, quoi. Moi, en y jouant, parce que moi je l'ai attaqué je l'ai fait en deux soirées en fait, en gros, en prenant mon temps, mais j'ai passé 2 heures dessus. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un jeu test en fait pour ILM. Il le qualifie d'expérience, hein. Oui, non, mais d'expérience, mais je veux dire, même pour ILM, de jeu test, c'est-à-dire que c'est on fait ça. Truc. On développe ça, on met pas trop d'interactivité parce que c'est un truc que je lui reproche moi, c'est qu'il y a pas beaucoup d'interactivité ou de choses que tu peux faire à l'extérieur, sauf le vaisseau au départ où tu peux récupérer un casque, un artefact, deux trois trucs, tu vois, mais tu as des choses extérieures. Là, c'est vraiment tu vas d'un point A à un point B, tu as une petite énigme ou tu as une petite action ou une phase d'action à faire. C'est pas une énigme, c'est une action, c'est une interaction. Voilà, exactement. D'ailleurs, t'as pas du tout d'énigme, d'ailleurs, t'as raison. Et voilà, c'est uniquement ça. T'as pas de choses à l'extérieur qui pourraient rendre le monde un peu plus vivant. Ils ont pas trop insisté là-dessus. Le gameplay est vieux. Il y a pas d'interactivité. Et j'ai l'impression que c'était juste un test comme ça pour voir comment les gens allaient réagir et comment ça allait être. Après, il est très très beau quand même. Enfin, les personnages. C'est pas des manches non plus, les visages, la texture des mains, ouais, le son, la paume des mains, là, à un moment, tu as la prêtresse des Corvax, là, elle approche sa main de toi, si tu veux, et puis tu vois vraiment le reflet, les veines, limite les pigments de la peau. Et puis t'as pas de bug, hein. Ah si. Moi j'en ai eu deux sur la version PSVR, si. Moi j'en ai eu deux à cause de la TP. Je suis resté bloqué dans le mur, j'étais obligé de fermer le jeu et de le relancer. Et il n'y avait plus d'interaction possible, rien. Et j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont joué et eux ils ont carrément eu des écrans bleus. La console crash. Donc non, il y a quand même des bugs. Mais comme tu dis, oui, tu sens que c'est leur premier jeu. Mais par contre, c'est pareil, je me suis renseigné, je me rappelle plus, peut-être je vais dire des bêtises. Et je me demande si c'est pas eux qui sont aussi responsables des attractions à Disney. Star Wars. C'est bien possible, moi, c'est aussi un des premiers trucs que j'ai pensé, justement dans la toute première scène où t'es dans le vaisseau. Ça t'en met plein la gueule, tu vois, voilà, donc ils savent faire quand même, si tu veux. Ils ont du background quand même sur l'animation, sur ce genre de choses. Mais comme tu dis, ouais, tu vois que c'est leur premier jeu en VR, mais encore une fois, nous on est là pour un peu peser le pour et le contre et dire avec notre expérience comment on l'a ressenti et qu'est-ce qu'on peut freiner et qui, si tu veux. Donc, et justement, voilà, y a un autre truc aussi que je lui reproche, c'est que tu peux faire des combats au sabre laser, ça c'est dans le premier épisode, tu récupères un sabre laser, t'as une petite phase de tuto qui est sympa, et puis après tu l'utilises quasiment plus, quoi, ton sabre laser. Si, dans le 2 et le 3. Oui, non mais d'accord, mais ça reste super anecdotique, c'est pas quelque chose, justement ils ont mis en place un gameplay avec le sabre laser, avec un système de contre, système d'attaque. Non, il n'y a pas de contre. Tu esquives. Ouais, enfin, mais c'est pas vraiment des contres. Enfin, j'appelle pas ça des contres. T'esquives, ouais. T'essayes de pas prendre le sabre laser d'en face sur le coin de la gueule, quoi. Ah, mais un contre, c'est genre le mec, tu contres une fois, tu le repousses, tu contre-attaques, tu vois. Ils te mettent un outil dans les mains pour quasiment que tu l'utilises pas. Après, t'as quasiment pas de phase d'action dans le jeu, ou alors vraiment sporadique. Après, c'est pour ça que je te dis, c'est très scénarisé en fait, mais il y a rien avec cette version PSVR du fait de la téléportation qui te permet de rester correctement immergé dans le truc, quoi. Voilà. Mmh. Alors que c'est un truc qui est hyper scénarisé. C'est ça. C'est peut-être un film interactif, quoi. C'est un peu trop, parce que FMV en VR. Des fois, en fait, les scènes justement de parlotte, hein, elles paraissent un peu longues et j'ai l'impression qu'en plus en VR, ça a l'air encore plus long qu'en plat, quoi. Ouais, parce que t'es debout. Ouais, aussi. Ouais, et puis t'as mal au dos, nos âges, voilà, c'est pas facile. Oui, d'ailleurs, ça se joue soit debout, soit assis, mais bon, je vous conseille quand même debout pour Debout, hein. Les combats, ça sera quand même mieux. Quand t'as Dark Vador justement face de toi et que tu vois qu'il fait 2m15, là, tu. Ouais, même si c'est pas plus, là, tu le sens vraiment, le gars est imposant. Ah, moi, je l'ai vu en vrai, il est grand quand même. Il est massif. Il va bien d'ailleurs ? Ben, je l'ai vu il y a un mois à peu près, non, au mois de mars, je l'ai vu. À Disneyland, ouais. Mais le mec dessous fait 2m15, hein, sans mentir. Et est-ce qu'il avait son masque ? Pas encore, au mois de janvier, non, il fait pas. Non, mais par contre, quand t'es à côté, tu te sens très petit. Tu dis monsieur, tu dis yes, master. Ah ouais, ouais. Ah ben, mec de 2m15 avec des talonnettes, putain, tu vois le machin, tu dis, oh non de Dieu, mais y'a qui là-dessous, c'est un monstre. Ouais, puis la respiration aussi, ça en impose. Ouais, ça le fait. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, au niveau du son, c'est aussi assez impressionnant, hein, parce que là, c'est licencié Lucasfilm. C'est ILM, donc c'est Industrial Light and Magic, donc ils ont toutes les bases de son de LucasArts, donc c'est vraiment les sons... Sauf la musique. Voilà, ouais. Ouais, c'est pas John Williams, non, quoi, mais non, ça s'en inspire, hein, mais c'est pas les musiques. Ça s'en inspire vachement. T'as quand même des thèmes qui ressortent de temps en temps des films originaux. Ouais, j'ai pas remarqué, je suis pas assez calé sur le sujet. Mais c'est des thèmes, c'est pas les morceaux originaux. Non, mais bon, ça reprend les lignes. Avoue qu'un petit thème Dark Vador dans l'oreille quand l'autre il arrive dans le vaisseau, pense que la taille plus le thème. Ouais, et puis la voix, je t'en parlais avant l'émission, la voix. Oui, c'est vrai. Putain, il est en face de toi, tu fermes ta gueule. Hein. c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est la voix officielle du coup de Dark Vador dans l'épisode 3, donc La Revanche des Sith. Et c'est aussi le doubleur qui a fait un florilège de jeux licenciés Star Wars depuis la création des jeux Star Wars. Quoi, voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui a du background aussi sur le doublage et c'est encore une fois c'est une voix officielle, quoi, voilà. Donc ça prouve encore que les mecs ils ont quand même fait quelque chose de bien, si tu veux, et c'est vraiment ce portage, encore une fois, il manque quelque chose, quoi, tu vois, tu sens que il manque un truc déjà dans le jeu de base aussi, hein, c'est pas fini, quoi. C'est une première ébauche, en fait, c'est une première ébauche, en plus sans spoiler quoi que ce soit, hein, c'est une première saison. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il parle de même de série VR. C'est-à-dire que là, il y a les trois premiers épisodes. Il y aura peut-être une suite, en tout cas, on espère, si le premier a bien marché. Mais je crois en plus qu'il a bien marché et puis il a une bonne critique, mine de rien. Ça demande qu'à être amélioré, quoi. Je crois qu'il a 7, il a 7 sur Metacritic en moyenne, ou 7,5. Il a quand même une bonne critique. Mais encore une fois, moi, je suis dur parce que... Parce que le prix, parce que le ratio prix-durée de vie, et parce qu'il n'est pas exempt de défauts aujourd'hui, et voilà. Ils auraient pu l'améliorer un peu, ou faire en sorte qu'on ait le même rendu que sur ce qui est sur Quest, pour avoir quand même une meilleure immersion, quoi. Enfin, moi, je me répète, j'insiste là-dessus, mais la téléportation, ça m'a gâché le truc, quoi. Pareil. Vraiment. Ah ouais, pareil. Pour avoir laissé les deux, je te jure que ça a pas. Moi j'ai pas digéré qu'il y ait des déplacements libres sur Quest, alors qu'à l'intérieur c'est un téléphone mobile et qu'ils aient pas été foutus de le faire sur PlayStation, quoi. Je pense qu'ils ont vu les moves, ils ont juste pas eu envie de se faire chier. Ils ont surtout pas envie, voilà, ils ont pas envie de se faire chier, c'est clair. T'as des boutons qui servent à rien sur les moves en plus. Bah oui, en plus, oui, t'as des boutons qui servent à rien. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Vador Immortal. Donc, le test est bientôt, après mes moult problèmes techniques. Il est maudit. Ce test est maudit. Et il arrive bientôt. Là. On est sur la fin. Ok. Bon, tu le conseilles quand même ? Bah, le problème, c'est comme je disais, moi, je lui ai mis une note. Je vais être honnête, je lui ai mis 5. 5 ou 5,5, d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas pour le sanctionner réellement, mais c'est surtout pour faire comprendre que si t'aimes Star Wars, c'est pour ça, enfin, je lui mets une note parce qu'il faut le noter, mais voilà, si t'aimes Star Wars, que t'es fan de la licence, vas-y, parce que tu vas kiffer, mais par contre, si t'aimes pas ça, oublie. T'attends pas à des 100 et des 1000, comme je dis, franchement, tu veux un meilleur jeu de sabre laser, tu joues à Beat Saber. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est vraiment, il n'y a que la licence qui et un fan de la licence qui peut justement être apprécier ce genre d'expérience, mais ça apporte rien au niveau du gameplay, au niveau de la VR. Ses points forts, c'est l'immersion, c'est les, enfin, c'est l'immersion entre guillemets, c'est les graphismes, la réal, l'histoire qui est quand même sympa, et puis c'est Star Wars, quoi. Voilà, Star Wars, c'est un sabre laser, t'as les pouvoirs de la Force, mais le jeu, il est pas exempt de défauts, il est pas fluide dans les combats, il est pas fluide dans l'utilisation de la Force, il est pas fluide dans ses déplacements, voilà. Il y a du bon et il y a du moins bon. Donc à conseiller aux fans de Star Wars, oui, franchement, vous y trouverez votre compte. Si vous faites un petit peu abstraction de la partie gameplay, et puis pour les autres, attendez qu'ils soient en promo, quoi. Voilà. Il y a un petit background quand même de Dark Vador aussi, justement pour les fans qui leur plaira. En tout cas, moi qui m'a plu, perso. C'est une facette que tu connais pas de Dark Vador, en tout cas dans les films. C'est une facette que tu connais pas de Dark Vador. Ouais, c'est ça. Mais c'est une facette que tu connais chez Anakin. À ses heures perdues. Ah bon, à ses heures sans spoiler. À ses heures perdues, attention spoil, c'est une ballerine. Non. Voilà, c'est ça. On a dit qu'on n'en parlait pas. Merde. Voilà, c'est le climax de la fin de l'épisode 3. Voilà, on tue et puis il s'éclate, quoi. Donc, D'ailleurs, oui, ça aussi, c'est pareil. Il y a de très bonnes idées de gameplay, quand même. Et notamment la transition entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Où là, ça aurait mérité d'être exploité un peu plus profondément. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Say, mais. Ouais, je vais pas spoiler. Tu comprends? Entre le 2 et le 3. Ah oui, et pareil, toi, ça fait partie des trucs qui sont pas exploités dans le jeu. Mais c'est dommage, parce que putain, franchement, c'était top ça. Et ça dure 30 secondes. C'était génial. C'est dommage. Voilà. Okay. Fin de la partie. Donc voilà ce qu'on a pensé de Vader Immortal. Faut pas dire Vador, faut dire Vader Immortal. Moi je crois que j'ai dit Vador Immortal tout le long. Et je m'en excuse. Et tu vas te prendre des pouces bas dans la gueule et ça va bien te faire, ça va bien te faire plaisir. Ouais, c'est bon, je l'ai maté, Dark Vador. Bon, on s'en fout sur la dernière vidéo qu'on a fait là, sur l'histoire de la guerre des consoles. En fait, tout le monde me charriait sur le casque Gear VR depuis je sais pas combien de temps. Et à l'époque de Sega, ils disaient tous Game Gear. On l'a tous dit. Et puis après, et toutes les pubs Sonic, il y a Game Gear, Game Gear, Game Gear. Je dis putain. Et après, sur PlayStation est sorti Metal Gear et tout le monde a compris que c'était Metal Gear et pas Metal Gear. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai. Oui, donc effectivement, je devais en parler en tout début d'émission. Je suis désolé, Laurent. Il y a les dossiers des guerres des consoles Part 1 et Part 2 qui sont sortis. On est jeudi, aujourd'hui. Jeudi 3. Aujourd'hui, voilà, mais donc ça sortira le podcast un peu plus tard, qui sont très intéressants si vous êtes nostalgique de la bonne vieille époque Nintendo, Sega, et puis des luttes fratricides dégueulasses dignes des péplums. Je pense que ça vous plaît, ça vous plaira. Il y a de la trahison. Il y a des petites anecdotes intéressantes et marrantes quand même. C'est clair. C'est 50 minutes de vidéo, de reportage vidéo, dossier vidéo. Par contre, c'est pas du tout un dossier de 50 minutes sur l'histoire des consoles, mais plutôt sur la guerre. Donc sur tous les coups bas, sur la partie marketing, les petites fourberies qui se sont faites entre eux. Voilà, marketing, commercial, et puis vraiment tous les coups de pute qui se sont faits entre eux. Il y a des la trahison et tout. Il y a de l'inceste à un moment, je crois. Le premier, c'est une vraie petite Madeleine de Proust, quand même, hein, le premier épisode. Ouais, le deuxième, un peu moins, mais... Il y a plein de vieilles pubs, en plus, donc c'est hyper agréable. Ouais. Et on dit pas ça parce que c'est toi le patron, et Laurent. Hein, non, c'est pas du tout mon genre de lécher des culs. Non, on n'est pas comme ça. Hein. D'ailleurs, petite précision sur le premier épisode, c'est qu'ils sont sous-titrés. Donc, toutes les pubs anglaises, je les ai sous-titrées aujourd'hui, en fait. Donc toutes les pubs anglaises où on comprenait pas trop ce que disait Crash Bandicoot par exemple, maintenant vous pouvez activer les sous-titres pour voir ce qu'il dit et c'est très drôle ce qu'il dit aussi. Et donc c'est très bien. Et donc allez voir ça et mettez des pouces hauts parce que c'est important pour nous, ça nous fait bien plaisir et des gentils commentaires. Fake. Non, on va pas sortir toutes les insultes qu'on s'est pris quand même parce que. Non. Bon, ça continue, on serait obligé de censurer le podcast. Ensuite, si on parlait un petit peu de Pistol Whip, mon bon Lolo, qui est sorti aussi cet été. Oui, bah, pas de souci. Parlons-en si tu veux. Pistol Whip. Donc Pistol Whip, c'est. Alors déjà, il faut s'imaginer qu'un jour, il y a eu des développeurs qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit, putain, il faut qu'on fasse un jeu. Ils ont pris des champis aussi. Hein. Donc comment on pourrait faire un jeu qui marche? Il y en a un qui arrive et qui dit « Ouais, si on prenait le même look que Super Hot VR ?» qu'il dit, ah ouais, c'est bonne idée, comme ça, ça pèsera pas trop lourd, ça sera facile. Donc on est tout le temps en low polygone avec vraiment des personnages faits à coups de facettes, des couleurs un peu psychédéliques, et vraiment le style fait penser à quelque part à Super Hot. On n'a pas de bullet time ou de choses comme ça, où le gameplay n'est pas du tout comme celui de Super Hot. Mais graphiquement, par moments, ça y fait penser. Et puis, il y en a un autre qui est rentré qui a dit « Ouais, mais si en plus, on faisait un rail shooter, mais qu'en plus, eh ben, ça serait rythmique comme un Beat Saber, et, sauf qu'à la place des sabres, ce serait des pistolets. » Et là, vous avez l'explication, en gros, de Pistol Whip, de ce que c'est. En gros, donc, rail shooter qui avance tout seul, donc. Et vous avez des tonnes d'ennemis qui vont arriver de tous les côtés. Et puis, vous avez deux flingues, ou un flingue, enfin... Vous avez un flingue, on va dire, et dans les options, vous pouvez avoir les deux flingues. Et puis vous allez tirer sur tous ces personnages avec des musiques très techno, très psychédéliques. En tout, je crois qu'il y a 16 niveaux, si je me rappelle bien, parce qu'il y a eu les vacances entre les deux. Donc, et je crois qu'ils n'en ont pas rajouté, il n'y a pas eu de mise à jour cet été. Je sais plus, justement. Et puis là, je l'ai testé, c'était en juin, juillet, donc début juillet. Sinon c'était mi-juillet, je sais plus. Et du coup il me semble qu'il y avait une mise à jour qui était prévue, mais j'y suis pas retourné depuis. Donc, alors en gros, ce qui m'a plu en fait dans le jeu, c'est que quand on démarre, on dit ouais bon bah on va enchaîner les 16 niveaux. Ouais, c'est plutôt facile en fait. Tu te dis bon bah voilà, j'ai fait les 16 niveaux, je suis content. Et bah, le premier passage, tu vas commencer à râler en disant ah bah, je pensais qu'il y avait deux pistolets. Je pensais qu'il y avait ça comme option, et puis c'est justement quand on va aller faire un tour dans les options du jeu qu'on s'aperçoit qu'en fait on peut le configurer et l'améliorer un petit peu à la carte, ce jeu. Et du coup, on peut le refaire des tonnes de fois avec des gameplays différents. Donc le fait d'avoir deux pistolets, du coup, il est plus facile parce qu'on peut tirer à la fois sur la droite et la gauche en même temps. Donc du coup, on a des pénalités en plus et le jeu peut être plus compliqué également. Donc pour ça, je sais pas, Saïd, toi tu l'as essayé aussi, je sais pas ce que toi. Je l'avais essayé sur PC, j'en avais déjà parlé d'ailleurs en podcast, j'avais fait la vidéo aussi pour ce jeu-là. Moi ce que j'ai adoré c'est canarder au rythme de la musique, parce qu'en fait tout est chorégraphié, il n'y a rien qui est procédural dedans, c'est-à-dire que les ennemis vont toujours arriver au même endroit, au même rythme, au même tempo. C'est très calibré. Ouais, le but c'est que tu l'apprennes par cœur. Ouais, il y a un petit peu de ça en fait. C'est une chorégraphie, c'est plus un jeu de chorégraphie qu'un jeu de tir finalement, parce qu'en plus, donc tu peux avoir le choix aussi, comme tu disais dans les options, d'aider la visée ou de pas aider la visée. Si tu mets une aide à la visée, tu peux tirer juste un tout petit peu à côté du personnage. C'est pas grave, de toute façon, tu vas le shooter quand même. Et puis, ça te permet justement de t'amuser un petit peu plus et de te concentrer sur la chorégraphie après. Donc tu te baisses, tu esquives sur les côtés, et puis voilà. Dans les options, c'est carrément des molettes. Donc pour la sensibilité de l'aide à la visée, on peut vraiment bouger une molette pour savoir si on veut être vraiment super précis. Alors ça, j'ai essayé, alors là, il y a intérêt à être précis pour les avoir. Et puis on s'aperçoit quand on met la molette au milieu, bah, comme tu dis, on tire au-dessus de la tête et on aura la tête. Alors ça m'a beaucoup plu. On peut même aller jusqu'à changer le son de son pistolet, parce qu'il y a des pistolets qui font un bruit un peu agressif, et il y a des pistolets où on peut avoir des sons plus à la James Bond, limite silencieux, avec des sons... c'est vraiment configurable. On peut aussi aller dans les options et activer ou pas des tonnes de trucs, des tonnes de cheat codes, style être immortel, c'est carrément avoir ça, des munitions illimitées, avoir les munitions illimitées, avoir... c'est impressionnant, tous les trucs à cocher où on peut activer ou pas. Donc c'est génial, parce que le petit 12 ans qui va vouloir jouer à ça, il va s'éclater, et celui qui va chercher du challenge, il va tout désactiver, et là par contre le jeu va être carrément compliqué quoi. Il y a autre chose aussi qui est important à dire, c'est que les différents trois niveaux, facile, médium et difficile, ça n'inclut pas qu'une accélération où il y a beaucoup plus d'ennemis. Les ennemis sont beaucoup plus vifs. Si vous touchez une fois, vous êtes raide. Donc le niveau difficile est vraiment difficile. c'est pas. Et alors, un dernier truc sur ce Pistol Whip qui m'a marqué, c'est qu'ils ont sorti le jeu au mois d'août. Ou au mois de juillet, fin juillet. Donc on sue comme un cochon avec ce truc, c'est une horreur. Se retrouver avec un pistol whip à tester fin juillet alors qu'il fait 40 degrés dehors, c'est un chemin de croix. Moi, j'ai coulé, je ressemblais au... Ah, j'ai perdu le nom. Le sénateur de X-Men. Le sénateur de X-Men. Aparté. Ouais, celui qui se transforme en méduse. Ah, dégueulasse, ouais, je me souviens. Voilà, je ressemblais à ça, quoi. Je ressemblais au sénateur de X-Men. Des X-Men, celui qui se transforme en méduse quand il sort de la mer. Alors, je sais j'ai pas l'image si c'est maintenant, une super. Bonne chose qu'ils aient balancé un tel jeu à cette période de l'année. Tout l'été, ça a été ça. Ouais. Je parlerai d'un jeu aussi après, c'était la même. Après, non, globalement, c'est un. C'est un jeu arcade. C'est un jeu arcade. C'est un jeu, tu fous ton casque sur la tête, voilà. Tu t'amuses directement, tu te prends pas la tête, et c'est bon, c'est vrai que c'est pas un jeu à jouer l'été, quoi. C'est clair et net. Par contre, tu peux faire jouer avec les options absolument tout le monde, et tout le monde s'éclate. C'est un jeu à score, c'est un jeu arcade. C'est un jeu où tu refais plusieurs fois les niveaux parce qu'une zig te plaît, parce que il y a un passage qui te plaît. Tu dois esquiver, tu dois fraguer en fait avec style. Même si t'as l'air d'un con de l'extérieur avec ton casque, mais bon, ça c'est comme à peu près tous les jeux VR. Dedans, t'es vraiment dedans, quoi. C'est à la John Wick un petit peu. Il y a souvent ce terme-là qui revient quand on parle de. Non, mais c'est purement inspiré. Hein. C'est clairement inspiré et c'est ça, quoi. Ouais, et puis esquiver les balles des ennemis, parce que quand ils te tirent dessus, tu vois la trajectoire de la balle, donc un petit peu comme dans. Puis le bruit quand la balle te frôle aussi, tu sais. Tu vois que la balle va arriver. Ouais. Et en plus, quand elle te passe à côté de l'oreille, t'entends le sifflement de la balle. Qui est très très bien mélangé à la musique. J'ai bien apprécié aussi. C'est top. Donc non, c'est un bon jeu. Maintenant, est-ce que j'ai préféré Super Hot ? Oui. Est-ce que j'ai préféré Beat Saber ? Oui. On mélange les deux, on arrive à Pistol Whip. C'est un bon jeu également. J'avais peur parce que moi, j'aime pas trop quand il y a des copies comme ça. Tu sais, sur le papier, dès le départ, c'est pas des trucs qui m'emballent. Le mec, ils ont pompé ça et ça, ils ont fait un jeu. Et globalement, le résultat, c'est que ça marche. Ça marche bien. C'est que ça marche bien parce que ça ne reprend pas le gameplay de Super Hot, ça reprend plus voilà, le gameplay gun, mais c'est plus. C'est plus un Beat Saber avec des flingues. Avec un style de Super c'est Hot. Ça. Voilà. C'est ça. Moi j'ai bien aimé en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Ouais, le genre de jeu que monde, tu te ressens tout le monde quasiment. Il n'y a que de la bonne critique. Hein. Il y en a quand même qui se sont plaints que le jeu n'avait pas suffisamment de niveau, était pas. Il y en a quand même qui n'ont pas accroché non plus, mais après, voilà, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je fais peut-être partie des rares personnes qui n'ont pas accroché à Beat Saber. J'ai essayé plusieurs fois, je l'ai. J'y retourne de temps en temps, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui ne me va pas en fait dans ce. Dans ce jeu, c'est peut-être la similitude d'un petit peu avec de la batterie, vu que je joue de la batterie aussi, j'arrive pas à me caler en fait. C'est un petit peu comme quand t'es gratteux et que t'essayes de jouer à Guitar Hero, tu vois, c'est absolument impossible. Et du coup, je j'arrive pas à accrocher celui-là, en tout cas, vu qu'il y a. C'est que de la chorégraphie au gun, et je trouve qu'il fonctionne du feu de Dieu, quoi. Moi, j'adore ce jeu. Ah oui, c'est... De toute façon, c'est. Je crois que d'ailleurs, on l'a mis dans les incontournables. A raison. Donc voilà, c'était Pistol Whip, donc voilà, on va quitter un petit peu le monde des bourrins pour parler de Crisis Brigade 2, qui est encore plus bourrin, qui est encore plus pas du tout un jeu de l'été, alors qu'il est sorti cet été, qui est un jeu de Sumalab qui coûte 20€, hein, pour pas dire 19,99€, et c'est un petit peu comme le premier, mais en mieux. C'est-à-dire que dans Crisis Brigade, le premier, c'était du low poly au niveau des graphismes, et c'était pas du tout réaliste. Hein. T'avais des espèces de personnages qui étaient tout droit sortis de Rec Room. Moi, je trouvais ça assez dégueulasse, mais ça, en fait, t'avais 7 minutes en fait pour finir le niveau. On se dit que 7 minutes, c'est pas énorme, mais sauf que t'arrêtes pas de crever et de recommencer encore et encore et encore en t'améliorant en fonction des ennemis qui te tombent sur le coin de la gueule. Donc le premier était sympa, il avait un gros challenge. Il avait plutôt plus grâce à ça justement, ce côté die and retry. Et le deuxième c'est pareil, sauf qu'il est beaucoup plus beau, t'as plus d'armes, t'as plus de niveaux, t'en as 3 en tout, t'as plus de références, t'as plus de challenge, il est plus quoi, c'est un jeu qui est bien plus. Il est adapté à la manette, il est adapté au move, il est adapté au aim controller, et perso j'ai bien aimé aussi, c'est un jeu... Ça m'a fait penser un petit peu aux vieux jeux genre Time Crisis ou Time Cop, où t'es vraiment dedans, Virtual Cop, mais t'es vraiment dedans en fait. on les retrouve en arcade, sauf que là en VR, t'es un fond dans l'action et tu t'ennuies pas une seule seconde. Je sais pas si vous l'avez essayé celui-là. Non. Non plus. Ok, parfait. je me sens vachement soutenu. Non, mais et donc c'est un rythme frénétique et ce qui est bien. Tu m'expliques pourquoi. Pour l'avoir. Pour l'avoir vu, c'est Maggio, très Maggio, je suis désolé, il y a un problème là. Tu m'expliques pourquoi tu es en train de balancer des photos d'hommes à moitié nus sur le Discord? Oui, j'étais en train de regarder aussi, je comprenais pas. Il se passe pas quoi là? Parce que, tu fait, veux saboter dis... ma présentation? Pas du tout. Je te disais que c'est lui. Il nous envoie des photos. Les gens veulent savoir, Maggio, explique-toi. En plein enregistrement. Vous allez faire parler. Je te disais juste par le biais de cette photo que c'était lui qui avait fait le. Voilà. D'accord. Okay. D'accord. Et il aime le thé, ce gars. Il aime le thé, ouais. En fait, c'est un ancien. D'accord. D'accord. Voilà. Il ressemble pas. Ouais. Oh bah parce qu'il a d'autres photos très certainement, mais j'ai pris celle-là. Non, c'est bon. Non, ça va aller. Merci, Maggio. C'est gentil. Tu vois, tu nous as perturbé parce qu'on était en train de discuter, de parler, et d'un coup, on sentait. Je vous sentais trop. Vous sentiez trop sérieux, les gars. On était plaqués sur cette photo. Bon, d'accord, bah, je vais vous refaire le coup. Moi, je vais envoyer des trucs. Oh là, putain, on n'est pas sortis là. <C'est>... Bon. Alors, non, mais pas sur cette émission. Oui, bien entendu, tu vas nous laisser la surprise. Il y en a du bêtisier. Bon. Crisis Vraie 2, c'est très très bien du coup. Ok, très bien. C'est un jeu d'homme. C'est un jeu d'homme. C'est un jeu pour les hommes, les vrais. Avec des tablettes de chocolat, voilà. Avec des théiers. Avec des théiers. Trop chelou cette photo en plus. Bon. Que rajouter? Oui, en plus, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, moi, c'est... Moi, j'aime les hommes, mais avec des théières. Tu nous as excité, Laurent, maintenant. Petite tasse de thé, monsieur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'il fait? Or donc. Et puis, en plus, c'est le petit slogan au-dessus. C'est pas le mec qui a... C'est vrai, je rigole pas, en plus. Je peux lui donner son nom, si tu veux. Alors, du coup, j'en étais où? Ouais, donc oui, tu peux jouer. Tu peux jouer à la manette, tu peux jouer au move, tu peux jouer au aim controller, et en fait, chacun a un gameplay un petit peu différent. À la manette, c'est le gyroscope de la manette qui te permet de tirer, de recharger, etc. C'est tout au bouton, et puis voilà, c'est pas très immersif. Au move, c'est un petit peu mieux parce que tu peux avoir un flingue dans chaque main. Donc ça, c'est sympa. Mais par contre, une fois que t'as un fusil d'assaut, par exemple, t'es obligé de mettre. T'es obligé de tenir en fait comme tous les jeux VR où t'as un fusil d'assaut, c'est-à-dire un move derrière l'autre, et puis des fois en fait il y a un décrochage quand tu mets quand t'as un move qui passe entre ton casque et le premier move et la caméra, et du coup je trouve pas ça ultra précis ni très bien parce que t'as l'impression d'avoir une arme qui est cassée devant tes yeux, et j'aime pas cette sensation là, et c'est un problème justement qui est très très récurrent dans les jeux de ce type là sur PC parce que y a pas de aim controller. Et avec le aim controller, par contre, là, t'es un SWAT. Hein. C'est-à-dire que tu gagnes en précision, tu gagnes en tout et tu t'éclates. Et donc, j'ai beaucoup aimé. T'as des jeux qui prennent pas en charge l'aim et t'as le même problème avec les moves. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et sur PC, vu que t'as pas du tout de aim, t'es obligé de faire avec. Quoi. Voilà, avec le aim controller, franchement, si t'as le PSVR et le aim controller, Crisis Vraie 2, c'est vraiment une très bonne pioche parce que, mine de rien, malgré juste 3 niveaux. À terminer en 7 minutes, t'as quand même pas mal de bonus à débloquer, des skins, des trucs comme ça. T'as un petit mode tir sur cible qui est pas indispensable, qui te fait passer 10 minutes. Tu peux quand même passer du temps, c'est un jeu à score, c'est un jeu où tu veux t'améliorer, et puis quand même pour arriver jusqu'à la fin, faut s'accrocher, avec plusieurs modes de difficulté. Un mode multijoueur qui va bientôt arriver aussi, qui devait arriver cet été d'ailleurs, je dis peut-être une connerie, mais j'ai pas vérifié depuis que je l'ai testé. Mais qui est peut-être sympa pour jouer en coop. C'est pété de références aussi à des films, à plein de choses dans le jeu, donc c'est toujours sympa, ça décroche toujours un petit sourire. T'as des combats de boss, voilà. Quand t'as l'aim controller, franchement, c'est vraiment une très bonne pioche. Donc voilà. Et il continue, putain, il envoie, mais il sait pas s'habiller en fait, le mec. Sérieux, ça y est. Non, franchement. T'es beaucoup trop sérieux, ça y est. Le mec. Et je fais des photos à poil. Je me fous à poil sur toutes mes photos. Pas des photos comme ça, toi, Laurent. Ah bah, il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on en fasse des photos. Faut qu'on fasse... On va faire un calendrier nu. Ouais, non, je suis pas sûr. Putain. Ah ouais, non, c'est pas possible. On a plus aucun abonné après, c'est fini. Je suis pas sûr, ouais, je pense. Plus personne va venir. Ok. Donc, bon, donc voilà, Crisis, je vais y arriver, hein, Crisis Brigade 2. C'est très bien, je l'ai noté 7. Ça coûte 20 balles. Et c'est du Die and Retry, et c'est du boom boom, et ça fait du bien. C'est voilà. De l'arcade, c'est du scoring. Voilà, c'est du scoring, et c'est. C'est pour s'amuser. Et tu bouges ton corps nu, transpirant. Ça, c'est pas ce que j'allais dire. C'est aussi un jeu de l'été pour bien transpirer. Ça. C'est pour bien transpirer, pour faire des belles photos après de soft porn. Comme Majo, il les aime. Voilà. Oui, parce que je vais rien couper, hein, je t'ai pas dit. Hein. Alors... Oh, fais pas ça, le pauvre. Moi, je m'en fous, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc ensuite on va passer à Iron Man VR, un obscur jeu d'un obscur personnage de Marvel qui est sorti enfin après la démo. Laurent. Oui, Iron Man VR, ben tout le monde doit connaître parce que vu le tapage qu'ils ont fait à peu près on va dire 2 ans avant sa sortie, avec des reports, avec des donc tout le monde attendait ce jeu présenté. Alors globalement il m'a posé problème ce jeu Iron Man VR parce que il y a des passages dans le jeu qui sont excellents, plus qu'excellents même, et d'autres qui sont plutôt mauvais. Donc du coup, disons qu'au niveau de sa réalisation globale, il est pas linéaire. Il est pas. On sent qu'ils ont commencé en se disant allez, on va envoyer du lourd, on va faire un truc de dingue. Je parle de toutes les maps qui se passent autour de la maison à Malibu de Tony Stark. Où là, c'est plutôt bien foutu, hein, c'est chouette quand même. Quand on est dans l'armure, on a vraiment l'impression de voler. C'est vraiment le début, ça. Avec les moves, ça fonctionne super bien parce qu'en inclinant les moves, on va incliner nos je sais plus comment ça s'appelle, nos réacteurs dans les mains. Et il y a des parties qui sont vraiment super bien, vraiment très jolies, des couchers de soleil, les ciels sont magnifiques, c'est globalement. Et puis il y a d'autres niveaux d'un coup. Où on a l'impression qu'ils n'étaient pas terminés ou qu'ils ont été faits par d'autres équipes ou à la va-vite ou je sais pas, ou tout d'un coup tout se casse la gueule. Alors je pense bien sûr à ce fameux niveau de Shanghai qui dans l'idée c'est pas très grave qu'il soit pas beau parce que finalement c'est des jeux d'action, donc en volant et en avançant à des vitesses supersoniques entre les immeubles, finalement, ben, on s'en fout un peu que ce soit pas très joli, parce qu'on n'a pas le temps de regarder. Par contre, faut pas s'arrêter. Quand on s'arrête, on se dit, ben, ah ouais, d'accord. Ouais, pour les phases en l'air, ça va, mais t'as des phases au sol, quoi. Et les phases au sol, c'est la catastrophe. Très bien. Il y a des chars au sol, par exemple, et quand on s'approche d'un char au sol pour voir ce qui se passe, ben, la ville, elle n'est pas vivante, il n'y a rien. Y a pas de alors, attention, elle n'est pas vivante, c'est expliqué, c'est justifié dans le scénario. Parce qu'il y a le super vilain qui. Parce que la ville a été mise en quarantaine. Oui, oui, non, mais alors, même s'il n'y avait pas un chat, ils auraient au moins pu mettre un chat qui se balade. Et puis, surtout, il n'y a pas besoin qu'il y ait des piétons qui se baladent, mais quelques voitures garées sur le. Il n'y a aucune ville où il n'y a aucune voiture. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et puis, c'est quoi ? C'est une route en ligne droite avec tout un tas de lampadaires, 2-3 arbres et point barre. Et puis surtout, je crois qu'il y a des routes qui n'ont pas de fin, enfin, qui se terminent ça, pas et ça. Tout. Enfin, y avait des... ça me faisait un petit peu penser à. Alors, je ne sais plus comment il s'appelait, celui avec la planche où on devait sauter dans le vide. C'était Planck VR. Richie's Planck VR. Et c'était un peu le même style. Quand on sortait de la ville, ben, la route, elle s'arrêtait net. Alors, ce jeu, il m'a ennuyé parce que je me suis dit, il mérite d'être dans les incontournables. Et en même temps, il y a des passages où on se dit, ça ne peut pas être dans les incontournables à cause de ça ou ça ou ça. Donc, c'est un jeu, je crois qu'on n'avait pas été trop méchant. On lui a mis un 7 sur 10, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, 7 sur 10. Et c'est pareil, même au niveau de la réalisation, on démarre avec de la téléportation. Et puis quand on se retrouve dans les grottes, donc sur les derniers niveaux du jeu, il n'y a plus de téléportation, on est en déplacement libre. Donc au niveau de la logique du jeu, on a l'impression qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont géré chacun leur niveau et qui ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Quoi. En reprenant des modèles 3D qui avaient été faits pour Iron Man et tout ça, et puis il n'y a pas de cohérence dans l'ensemble. Donc c'est ce qui m'a le plus surpris. C'est quand je suis arrivé dans ces grottes et que j'ai vu que j'étais en déplacement libre, j'ai dit mais pourquoi ils n'ont pas mis les déplacements libres depuis le début ? T'as l'impression qu'en fait le cahier des charges du jeu a changé en cours de route, quoi. C'est ça, c'est ça. On sait qu'il y a eu des reports en plus. Alors, est-ce que le jeu n'était pas prêt? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire? Est-ce qu'il y a eu des changements en cours? Voilà, on sent qu'il n'y a pas la même direction artistique sur l'ensemble du titre, mais plutôt sur des niveaux, quoi. Donc c'est ce côté-là qui est un peu le petit bémol. Globalement, par contre, pour ceux qui ne l'ont pas encore pris et qui hésitaient, c'est un bon jeu, un très bon jeu même. Quand je dis que j'hésite encore à le balancer dans les incontournables parce que Shanghai, je ne l'ai pas trop digéré et c'est ce qui m'a fait le pas le mettre, mais je suis toujours le doigt sur le bouton en train de me dire je vais quand même le mettre. Ceux qui sont fans de la licence, ils vont s'éclater, ça c'est sûr. Ceux qui sont moins fans de la licence, ils vont quand même s'amuser parce que c'est jouissif de piloter un Iron Man. Surtout qu'au début, on fait n'importe quoi, on n'arrive pas à le piloter. Quand on commence à faire les circuits et on s'aperçoit que c'est super maniable, et puis sur la fin du jeu, on s'éclate parce qu'on maîtrise complètement le truc, on tire où on veut, on va où on veut. C'est quand même un super titre. C'est vrai. Donc, à noter une petite news quand même importante. Le jeu souffrait de temps de chargement excessivement long. Ils ont balancé un patch cet été justement pour les réduire ces temps de chargement. Alors je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai pas relancé le jeu depuis. Mais voilà, ils ont quand même envoyé quelque chose pour le corriger. C'est bien ça. Au moins c'est suivi, donc c'est pas mal. Et vu que quand même c'est une grosse. Fin... Beaucoup disent que c'est la dernière grosse production qu'il y aura sur PSVR, j'espère pas. En tout cas, je pense pas, vu qu'il y a Squadron qui arrive bientôt. En tout cas, c'est bien que le truc soit suivi, quoi. Ouais, et puis surtout que c'était un des plus gros défauts du jeu, quoi. Bah, les temps de chargement, c'était l'horreur. Oui, donc c'est pour ça, ils l'ont patché, donc à voir ce que ça donne. Ça gâchait l'expérience. Mais en tout cas, ça a été patché, donc je pense que ça doit quand même être un peu mieux. Parce que c'était vraiment très très long, quoi. Voilà, mais c'est... Ça reste, franchement, c'est un truc à faire, c'est quand même bien, il y a de nombreuses heures de jeu, hein, parce que c'est pas un jeu qui va se finir en 5 heures. Je crois que j'avais passé 2-3 soirées à fond, donc j'ai dépassé les 10 heures facile, peut-être même plus. Donc c'est un bon titre avec des défauts, on va dire. Voilà, c'est ça. De toute façon, tous les jeux en ont, mais celui-là en a pas mal, mais voilà, le gameplay reste fun. Celui-là, ils sont très visibles au milieu du visage, et ça fait d'autant plus rager que le titre a été retardé, ça fait d'autant plus rager que, vu la communication qu'il y a eu autour, on se dit, mince, quoi. Depuis le temps qu'on nous bassine comme en étant un triple A PSVR, on s'attend encore à mieux. Surtout une grosse licence. Et franchement, j'avoue, j'ai vu le test, j'ai vu les vidéos. Déjà, je suis pas attiré par le personnage, mais bon, ça n'empêche pas d'apprécier le jeu et d'apprécier les contrôles. J'avais essayé la démo. Ce jeu, il m'attire pas du tout, en fait. Dans son gameplay, dans ce qu'il propose. Mais parce qu'il est dur. De quoi ? Parce qu'il est dur. Non. C'est pas Iron Man qui veut. Non. Et moi j'ai fini Crisis Brigade 2, ok, tu l'as terminé ou pas ? Ouais, mais toi t'es un flic, t'es terre à terre, tu vois, moi je suis un super héros. Ouais. Je suis au-dessus, tu vois. Ouais, mais tu sais, Batman et Commissaire Gordon, ils peuvent s'entendre quand même. C'est vrai, mais n'oublie pas où est ta place. Oh putain, il cherche la merde. Donc ouais, je suis vraiment pas attiré par Iron Man, quoi. Enfin, ce jeu-là m'attire pas, quoi. Autant. Non, mais je comprends. Je sens qu'il a les prétentions, en tout cas. Oh putain, Laurent, tu vas pas t'y mettre. Je sens qu'il a les mêmes prétentions, on va dire graphiques et puis au niveau de la mise en scène qu'un gros jeu VR, mais je sais pas, je suis pas du tout attiré. Donc, un gros jeu VR. Donc voilà. Pardon. Bah j'ai fini. Okay, je sais plus quoi dire là. Non mais ouais voilà. Non, mais ça reste un bon jeu, quoi. Ça reste un bon jeu. Je comprends que oui, il plaira pas à tout le monde. Ça c'est sûr. Après c'est relativement original dans le sens où c'est qu'à force de faire du FPS à gogo où on tue des zombies où finalement c'est des gameplays qu'on retrouve régulièrement, celui-là il est quand même différent, où vraiment il faut apprendre à se servir de l'armure, donc il y a une phase de pilotage et de tir en même temps. Donc si c'est quand même original par rapport à ce qui se fait à côté. Disons, dans les phases d'action t'as rarement des temps morts. C'est ça. Yes. Et puis ça, c'est bien. Il y a vraiment des moments qui sont jouissifs, quoi. Tu te dis putain, je suis Iron Man. Par rapport à Blood and Truth, justement, il y a peut-être un petit peu trop, de coupure entre les phases d'action et un peu trop longue. C'est ce que je lui reprochais. Ouais. Tu reprochais à Blood and Truth, ouais, tu veux dire? d'être un peu trop bavard en fait sur certaines. Moi, je le trouvais trop trop sur rail, Blood and Truth. Oui. Alors que t'as beaucoup plus de liberté dans Iron Man. Quand t'as une map, tu la survoles et tu vas où tu veux. Ouais, sauf dans les phases de dans le manoir et tout ça quoi. Enfin, oui, voilà. T'es en voilà, plan fixe. Ouais. Ok, bon, bah c'est tout pour Iron Man. Ouais, c'est tout. Et Tony Stark. Ok, ça marche. Donc, allez retrouver le test sur le site, comme d'habitude. Cet été est sortie aussi une petite mise à jour que Laurent n'attendait absolument pas. C'était la mise à jour VR de Dreams, qui est sortie le 22 juillet. Si vous voulez connaître un petit peu l'envers du décor, justement, de cette mise à jour, vous pouvez retrouver l'interview de Christophe Villedieu, qui travaille donc chez Media Molecule sur le site, et donc l'interview est sortie le 21 juillet. Et donc voilà, maintenant, ça y est, c'est fait, on l'attendait, on peut jouer à Dreams en VR. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est beaucoup d'expériences et beaucoup de choses qui ont été faites par les utilisateurs de Dreams qui sont mis en VR. Et ça fonctionne super bien. Et surtout, ça donne... Ça permet de donner du contenu, pas gratuit, mais... Oui, pas... Ouais, ça permet... Ça, surtout, ça alimente naturellement le catalogue d'expériences VR. Ça alimente des expériences VR... On achète un jeu et on a des expériences VR limite à volonté. Et ça ouvre le champ des possibles justement sur les futures productions qui sont adaptables en VR, quoi. Parce qu'on le dit, on le répète, tous les jeux sont adaptables en VR, que ce soit TPS, que ce soit FPS, que ce soit jeu de course, jeu de stratégie, jeu d'énigmes, ce que tu veux, c'est adaptable en VR. Donc voilà, là, Dreams prouve que c'est vrai. Tu peux avoir un RPG qui a été fait par un développeur sur son jeu, et ben tu peux le retrouver aussi en VR et ça fonctionne super bien. Alors après, tu as aussi le mur de la technique, et surtout sur PS4, qui est un petit peu rude. C'est-à-dire que des fois, c'est une bouillie de pixels. Des fois, le downgrade graphique est assez violent. Mais bon, ça fonctionne, quoi. Tu mets une bête de course comme la PS5 ou un PC pour pouvoir traiter justement ce type de jeu et d'expérience, ça a fonctionné du feu de Dieu. Donc je sais pas si vous avez essayé quelques expériences, quelques jeux sur Dreams, non, en VR? Ben moi non, je l'ai pas acheté parce que j'ai tout mis dans Vader Immortal. D'accord. Voilà, donc j'ai plus d'argent. Et alors personnellement, moi j'ai passé j'ai même passé tout mon temps, je suis même pas allé voir les expériences, j'ai passé du temps à plutôt passer avec les outils pour voir ce qu'on pouvait faire en fait. Donc c'était plus la phase création que la phase jeu. D'accord. C'est simple à faire quand même. Simple. Disons quand tu les écoutes, quand t'écoutes les mecs de Dreams, ils disent tous, ils te vendent un truc où ça va être très simple. Et finalement, c'est simple dans le fonctionnement par rapport à un logiciel comme Unity ou Unreal. Par contre, t'as tellement de fonctions. Que de toute façon, c'est des heures et des heures d'apprentissage avant d'arriver à maîtriser le truc totalement. On va dire. Et toi, tu l'as. Il n'y a pas vraiment de fin parce que, autant sur de la création, bah, quand tu vas commencer à comprendre les outils de modélisation, bah, tu vas réussir à faire ce que tu veux pour selon que tu arrives à peu près à sculpter en 3D. Mais derrière, eh ben, ton personnage, il faut qu'il cligne des yeux, il faut qu'il ait des mouvements, il va falloir l'animer. Mmh. Donc tu as d'autres outils pour l'animation. Et puis après, pour ton gameplay, eh ben, il va y avoir tout un tas en fait, tu vas rajouter des effets, comme par exemple des assets. Quand il se prend un coup d'épée, voilà, quand il se prend un coup d'épée, il faut que son personnage tombe au sol, ou il va y avoir des réactions, il va y avoir tout un tas de choses qui vont faire fonctionner ton gameplay en fait. Et le problème, c'est que tous ces outils-là peuvent être mélangés entre eux, multipliés entre eux. Donc en fait, tu peux créer des trucs de dingue avec un simple jeu. C'est là où on voit la toute puissance de Dreams, et c'est là où on voit qu'on on peut arriver à faire quelque chose de relativement sympa très rapidement. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur Dreams, où j'avais réussi à faire un petit bonhomme martien avec une tête de poulpe qui se baladait sur une lune en 5 heures, en 4-5 heures, sans avoir vraiment décortiqué le jeu. Quelqu'un qui est vraiment dedans tous les jours pendant plusieurs heures et qui commence à maîtriser le truc, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des trucs de malade. Il y a des studios indés aussi, il me semble, qui travaillent dessus, hein, qui travaillent sur Dreams. Bien sûr, Bien sûr, et c'est là où il y a un débat sur ce fameux Dreams, parce que à mon avis, c'est sur ce point précis où il est bridé, en fait, Dreams. C'est que les joueurs... alors, il va y avoir deux types. Il va y avoir ceux qui vont l'acheter pour jouer, pour bénéficier de ce catalogue d'expériences gratuites en VR. Pour cela, je le conseille de toute façon parce que c'est clair que c'est une opportunité d'avoir des tonnes d'expériences à essayer gratuitement sans avoir à claquer 5 balles à chaque fois. Surtout que dedans, il y a des trucs très très très très bonnes. Par contre, pour les créatifs, je pense que le jeune en fait qui est encore à l'école, qui veut apprendre à faire des jeux vidéo, c'est un super truc pour apprendre. Parce qu'il va commencer à apprendre la modélisation 3D, il va commencer à voir comment ça fonctionne. Il va falloir s'acheter des bouquins, il va falloir vraiment creuser le truc, parce que Dreams, c'est pas un joujou, c'est vraiment un truc qui est poussé. C'est un moteur, quoi. C'est un vrai moteur. Sous une apparence ludique, mais ça reste un moteur qui a un nombre de fonctions, mais totalement hallucinant, en fait. Et c'est là où ça peut coincer, c'est qu'il va y avoir un moment où la personne va commencer déjà à passer peut-être une centaine d'heures, ou 200 heures, ou 300 heures, à le prendre en main, à le comprendre, au niveau création, je parle. Ça ne veut pas dire qu'il faudra 300 heures pour faire un truc sympa. N'importe qui peut faire un truc sympa en 10-20 heures. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, je parle de quelqu'un qui va vouloir pousser un peu plus loin et qui va vouloir faire vraiment un truc qui ressemble à un jeu, un vrai jeu. Et là, il va falloir plus d'heures, il va falloir plus comprendre les choses. Les personnages, il veut créer des petites animations sur les personnages. Au niveau de la musique aussi, on peut monter à partir de différentes loops, on peut créer des musiques également. Donc ça peut très très vite prendre énormément de temps. Et je sais pas le petit bémol, mais c'est à quel moment la personne qui aura passé 300 ou 400 heures à apprendre Dreams va pas se dire... Plutôt que d'avoir passé mes 400 heures à apprendre ça, pourquoi je ne me suis pas lancé directement sur mon PC sur Unreal. Unreal. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que... Parce que sur Unity ou Unreal, mon jeu, il peut potentiellement, s'il est bon, être commercialisé, que sur Dreams, de toute façon, je gagnerai des pouces hauts. Oh, faut pas le voir comme ça. Puis ça peut être, ça peut être tu te poses la question quand pour tu... ouvrir ta créativité, puis tu peux faire ça entre potes. Quand tu passes 300 heures dessus, tu te poses quand même, je pense, la question aussi. Hein. Disons que ça dépend. Si ça reste un jeu... donc je pense pour le jeune de 12 ans, voilà, entre c'est ce 12 que j'allais dire. Après, et 15 pas ans qui va se dire pour parce qu'il ne faut pas oublier que Dreams et Unity sont gratuits, donc je pense que si c'est pour faire un jeu, disons que la personne va faire un petit par exemple va faire un petit jeu sympa, il va avoir plein de la communauté qui va l'encenser en disant il est extra ton truc, c'est génial, ok, ça marche. Il va en faire un second. Sauf qu'il va en faire deux, il va en faire trois, et puis sauf qu'au bout de trois, il va se dire j'ai passé 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures à faire ça. Donc ça peut très vite prendre énormément de temps, surtout s'il est tout seul. Et à ce moment-là, il va vouloir passer un échelon, le type, naturellement. Il va se dire tout le monde adore mes jeux, maintenant je veux passer. Et ça, les développeurs de Media Molecule en avaient parlé et avaient dit qu'ils étaient justement, d'ailleurs, quand on avait fait l'interview avec le monsieur de Media Molecule, ils en avaient parlé, que c'était un des points sur lesquels ils étaient en train d'essayer de voir comment certains jeux pourraient éventuellement finir plus tard soit dans le PS Store, soit dans une version payante de Dreams, avec des... Alors ça, ils savent pas exactement comment ça peut évoluer. Mais c'est sur ce point-là où je pense que la personne qui a déjà pas mal d'heures sur Dreams va naturellement s'orienter vers un Unity ou un Unreal Engine 5. Parce que avec ça... C'est un tremplin, ça, tu fais, effectivement. Voilà, tu fais... Donc où est la limite? C'est sûr que pour un petit jeune, c'est super. Surtout, en plus, là, je reviens sur ce que je dis, c'est que Dreams est un outil puissant, très très puissant. Donc à terme, s'il était encore un peu mieux développé, il pourrait même éventuellement faire... Ça me rappelle un peu la 3D quand on avait tout un tas de logiciels de 3D pour faire des personnages, où on galérait à modéliser les personnages parce qu'on y allait point par point. Et puis un jour, il y a eu ZBrush qui est arrivé. Et ZBrush, c'était plus des pixels, c'était plus des points, c'était plus des polygones, c'était des boules à modifier et à sculpter comme on voulait. Et c'était une nouvelle façon de penser la 3D. Et Dreams, je dirais que c'est un peu ça, c'est un peu une nouvelle façon de voir le jeu vidéo plus facilement. Et si un Dreams Pro sortait avec une version inspirée de Dreams, avec son système de fonctionnement, il pourrait être même peut-être plus puissant qu'un Unity ou un Unreal. Plus user-friendly, quoi. Voilà. Donc c'est là où je pense qu'il y a du travail à faire sur l'avenir de Dreams. Je ne sais pas exactement quoi, mais qui est une petite motivation pour les personnes qui passent des heures et des heures dessus. Je pense que ça peut être intéressant pour... parce que, du coup, de toute façon, il ne faut pas se mentir, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il y a quelque chose à gagner, il y aura plus de monde qui feront des jeux. Mais c'est vrai qu'ils pourraient penser justement à ce genre de mise en avant de certains créateurs justement qui sont vraiment talentueux, sans forcément les reprendre, les récupérer chez Media Molecule, mais justement mettre en avant peut-être des expériences qui sont tellement, ou des jeux même qui sont tellement bien foutus, qui pourraient être mis en vente justement avec des bonnes idées. Pourquoi pas mettre un store dans Dreams quand vraiment le jeu en vaut la peine, parce que t'as quand même des jeux dans Dreams qui ont l'air plus aboutis que certains petits jeux indés. Exactement. Qui sont sur PS Store, hein. C'est ça qui est impressionnant. Alors après un espèce de quick starter ou je ne sais quoi, où la personne présente le premier niveau dans Dreams gratuitement et puis il dit, bah, écoutez, moi pour ce premier niveau, bah, écoutez, j'ai passé 300 ou 400 ou 500 heures. Donc si vous voulez la suite, filez-moi un petit peu de ça. Ça peut être un bon système, parce qu'il y avait le Steam Workshop, il y avait sur Skyrim, je crois qu'il y avait Bethesda qui avait essayé de mettre ça en place sur Steam. Non, je crois que c'était Steam ou Bethesda, je ne sais plus. Enfin, peu importe, c'était le Steam Workshop qui était sur... Skyrim, où ils proposaient de pouvoir vendre leur mod. C'est-à-dire que tu as en fait des gens qui jouaient à Skyrim, qui créaient leur mod, leur modification du jeu, etc., qui utilisaient l'outil mis à disposition par Bethesda pour pouvoir ensuite les revendre au prix qu'ils voulaient. Ça a foutu une merde pas possible, ça a duré 2 semaines, je crois, à peu près, et puis après, c'est complètement... voilà, c'était un scandale et ça a été terminé, ça a été un gros flop. Donc ils peuvent pas non plus laisser aux créateurs le soin de choisir uniquement leur système de tarification pour le proposer ensuite dans Dreams et faire une sorte de store dans qui serait un petit peu en parallèle. Qui serait un petit peu parasite. C'est compliqué. Au PS Store. À mon avis, c'est la raison pour laquelle Media Molecule en parle depuis longtemps, hein, parce que Alex Seven en parlait déjà il y a 2 ans, 3 ans à l'E3. Mais que faire, quoi, parce Mais le que système c'est, de Kickstarter, c'est... je pense que c'est à, pas à si terme, cool. À terme, j'ai peur que ben, les types vont faire un jeu, 2 jeux, 3 jeux, et puis à terme, ils vont dire ouais, ben, c'est bien, quoi, les gens ils aiment bien, mais bon. C'est bon, quoi. Les gens qui vont créer les jeux sur Dreams, ils vont jouer à aucun autre jeu parce qu'ils n'auront pas le temps. Oui, c'est clair. Une fois que tu rentres dedans, mais franchement, achetez Dreams, hein, si vous avez aussi le casque PSVR, c'est la boîte de Pandore, hein, le truc. Hein. C'est pas tout merveilleux, c'est pas tout jouable, mais t'as quand même des bonnes idées, des bonnes expériences, t'as quand même des gens sacrément talentueux. Hein. Même si j'étais tombé sur un jeu qui m'avait vraiment plu, où j'avais passé carrément toute une soirée dessus, c'est un jeu de bagnole où tu... vu à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, et en fait, t'étais sur un circuit, tu passais le premier tour, donc tout allait bien. Au deuxième tour, en fait, t'as l'environnement qui commençait à changer. T'avais genre un tremblement de terre, t'avais des immeubles qui commençaient à se casser la gueule, tout ça dans Dreams, et tout en VR. Et le troisième tour, en fait, bah, c'était carrément l'apocalypse, et puis à la fin, t'as une espèce de gros raz de marée qui vient tout arracher. C'est un truc, le gars, combien de temps il a passé dessus. C'est un jeu de voiture, ouais. Ouais, mais c'est je me rappelle plus comment ça s'appelait, c'est sorti sur PlayStation 3, ça. Ah oui, non, mais là c'est sorti. Non, mais je veux dire, ce concept-là. Peut-être, ouais. Existait déjà et c'était cool, quoi, je veux dire. Donc en VR, ouais, ça m'intéresse d'essayer ce genre de truc. Voilà. Donc c'est moche, on sent que c'est une ébauche. Mais putain, l'idée elle est là, et puis c'est quand même bien foutu. Et puis en VR, c'est quand même vachement prenant. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment intéressants dedans. Mais Laurent, tu me confirmes que tu peux créer un jeu à plusieurs ? Bien sûr, bien sûr. C'est la force de jeu. C'est des différentes. Bien sûr, tu as carrément ta communauté, tu peux créer ton équipe avec quelqu'un qui sera attitré qu'à une partie du jeu, et puis après tu vas assembler tous les éléments. Non, mais c'est ouf, ouais, comme sympa, truc. Tiens, j'ai besoin de telle musique pour telle action. Tiens, mon personnage, quand il met un coup de hache, ben, j'ai besoin d'un bruit de hache ou de crâne qui se fracasse, ou de le son, l'animation, le montage vidéo. C'est là où je rigole pas quand je dis que Dreams, c'est pas un joujou. C'est pas un... c'est un boulot. Moi, je suis sur le cul quand je vois le boulot de Media Molecule sur Dreams, où je me dis, on est sur console quand même, et c'est un truc de malade. Et c'est là où je me dis, je repense un peu à YouTube ou à Twitch ou des choses comme ça, qui ont finalement construit une communauté forte grâce à des revenus. Alors je sais que plein de gens vont dire faut pas avoir l'argent partout, faut pas gna gna. Sauf que le tout gratuit ça marche qu'un temps. Et je pense qu'en mettant une carotte au bout, ça va attirer du monde. Et du coup après s'il y a des jeunes, je parle pas de gagner des millions comme sur YouTube, mais je parle d'avoir une petite rémunération pour un jeune qui est encore étudiant. Et du coup de créer une motivation, et puis du coup les types ils vont proposer tiens il y a ce niveau là qui a bien marché, je vais faire le second tout de suite quoi. Alors que s'il n'y a pas de carotte au bout du deuxième niveau, quand il aura passé 1000 heures il va laisser tomber. C'est bien de faire des études, mais il faut que ça rapporte au bout d'un moment, c'est sûr. Mais il y a des gens qui sont bourrés de talent, et puis surtout Unity et Unreal sont offerts gratuitement par les deux grands moteurs, parce qu'ils sont pas bêtes, ils n'ont pas la fonction comme Adobe pourrait faire à vendre des logiciels à 70 balles par mois. Eux ils partent du principe qu'ils t'offrent le logiciel, et puis le jour où tu arrives à faire un jeu qui rapporte de l'argent, et ils reprennent 30% du prix du jeu. Je trouve ça super honnête comme truc, parce que tous les étudiants ils peuvent apprendre à s'en servir, n'importe qui peut télécharger Unity ou Unreal sur un ordinateur et apprendre à s'en servir, et le jour où ils arriveront à faire quelque chose, il y a cette idée de carotte, le jour où tu arrives à faire quelque chose, tu sais que sur les 100 euros gagnés, eux ils reprendront 30 euros. Le jeu Dreams il est sorti officiellement, c'est plus une bêta, sur PS4, mais j'ai l'impression que dans la tête de Media Molecule, et en tout cas dans même la pub, ou le peu de pub qu'ils ont pu faire sur ce jeu-là jusqu'à présent, pour moi, dans leur esprit, j'ai l'impression que c'est juste... allez, on vous a sorti Dreams sur PS4, c'est pas la meilleure console au niveau de la puissance, c'est extrêmement limité, mais commencez déjà à vous faire un petit peu la main dessus, et quand il sortira sur PS5, ou quand justement il pourra tourner sur une bécane qui pourra envoyer un peu plus de bois, là, c'est là qu'ils vont certainement mettre en place un écosystème. C'est clairement ça. Qui vont commencer aussi à promouvoir leur jeu, parce que ce Dreams, c'est incroyable, comme tu disais tout à l'heure, les possibilités que tu as dessus, et puis l'importance de ce jeu-là, en fait, que ce soit pour les jeux plats ou même pour les jeux VR, mais j'ai l'impression que personne n'en parle, quoi. J'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup, nous, en podcast, parce que voilà, on est à fond derrière, mais j'ai l'impression qu'il a fait un peu pchit dans le média généraliste. J'en parlais cet été, et y a trois personnes qui m'ont justement dit Dreams, personne ne l'a acheté. Oui, c'est ça. Mais évidemment, personne n'en a parlé. Sauf que ce que beaucoup n'ont pas compris, certainement, ce qu'était Dreams. Il y a une grosse part des joueurs qui croient vraiment que c'est un logiciel de création, ce qu'il n'est pas. Et une autre part qui ne savent même pas que... Enfin, disons qu'il a encore... Il a trop l'étiquette, le jeu qui fabrique des jeux, et peut-être pas l'étiquette, t'achètes un jeu et t'en as 500. Mais tu vois, LittleBigPlanet l'avait aussi, cette étiquette-là, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la médiatisation, LittleBigPlanet avait énormément fait plus parler de lui. Parce que LittleBigPlanet, au niveau de la communication, il avait son icône, il avait son Sackboy, et il avait son nombre de niveaux. Donc tu achetais un jeu... là, Dreams, le problème, c'est qu'il n'a pas d'identité, ce jeu, en fait. Si, t'as pas d'image. T'as un mode histoire, hein. Tu commences avec les deux petits oursons, ouais. Tu passes un petit robot à la place, mais je veux dire, il n'a pas d'identité visuelle en tant que héros où tu dois avancer, où tu dois, comme Sackboy. Il n'a pas sa mascotte. Voilà, il n'a pas sa mascotte. Et Sackboy, tu achetais LittleBigPlanet 3 ou 2 ou 1, tu achetais le jeu. Et après, tu disais, putain, il y a un bon éditeur de trucs derrière. Mais tu achetais d'abord le Dreams. Je trouve qu'au niveau de la com, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Pas aussi tu vois Dreams. Tu dis, c'est cool. Il y a un mode solo. Mais tu démarres avec tes petits oursons. Et puis, tu te retrouves dans le futur sur une moto. Et puis, tu pars dans tous les sens, en fait. C'est peut-être ce qu'il y a... Je sais pas, mais c'est peut-être ça. Mais... Par contre, un truc que je suis convaincu, c'est que dès le départ, le directeur de Media Molecule, enfin le cofondateur de Media Molecule, avait clairement dit que Dreams était prévu pour une vie de 10 ans. Donc en sortant il y a un an, c'est clair qu'il ira jusqu'au bout de la PS5. Et justement, le jeu était prévu en plusieurs phases. Première phase, il sortait sur PS4 comme ça. Deuxième phase, ça sera certainement la next gen. Et troisième phase, c'était une ouverture sur PC. Et c'est là où peut-être, si Sony ne veut pas s'embêter avec des problèmes d'argent ou de paiement de jeux sur Dreams, le simple fait de pouvoir exporter son Dreams pour l'importer dans Unity ou Unreal, surtout Unreal, parce que je vous rappelle que Sony est actionnaire d'Unreal à 260 millions de dollars maintenant, et qu'ils ont en plus répété qu'ils vont sortir beaucoup plus de choses ensemble prochainement. Donc pourquoi ne pas faire un export, tu branches ta console sur ton PC et tu peux, et en fait Unreal puisse récupérer Dreams pour l'adapter sur Unreal et aller encore plus loin. Et dans ce cas-là, monétiser normalement ton jeu en trouvant un éditeur, etc. Donc je pense qu'on est vraiment qu'au début de Dreams. Ce qui craint par contre, c'est que si le jeu se vend trop mal maintenant, Media Molecule, ils vont tirer la langue. Et ça peut être compliqué pour eux. Pas sûr. Derrière, il y a Sony qui appuie. Je suis même pas sûr qu'ils aient pour objectif de le vendre plus que ça sur PS4, en sachant que c'est une version bridée, quoi. Grave bridée. Peut-être, je sais pas. Enfin, bridée, il est annoncé depuis le début de la PS4. Il va falloir qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Donc, à mon avis, il est pas encore mûr, le truc. Non, mais les gars, bridée, il est annoncé quasiment depuis le début de la PS4, hein. Oui. Donc avant que la PS4 Pro soit annoncée pour le commun des mortels, donc ça veut dire qu'à la base il était quand même prévu pour sortir sur la PS4 standard, donc vous pouvez pas me dire que les mecs ils ont sorti un jeu qui est pas fini et qu'ils vont le... Oh, on n'a pas dit qu'il était pas fini, on a dit qu'il était bridé par la puissance de la console, c'est pas pareil. Bridé par la puissance de la console et puis, ça peut être, puis mais bridé par l'ouverture, surtout quand t'achètes un logiciel de 3D, bien souvent quelqu'un qui fait un jeu, il va modéliser son personnage dans ZBrush, il va le texturer dans une autre application, il va l'animer dans une autre application, et au final il va tout monter dans Unreal ou dans un autre moteur. C'est cette ouverture là parce que Dreams, il a une étiquette à la fois de logiciel et à la fois de catalogue de jeux. Il a deux étiquettes, ce truc là et l'étiquette logiciel, si les joueurs ils vont acheter le jeu, ils pourront jouer. Mais par contre, les créateurs de jeux, en achetant un logiciel Dreams, vont se dire à un moment, j'aimerais bien composer moi-même mes musiques sur mon clavier et les importer dans Dreams. J'aimerais bien exporter l'animation que j'ai fait dans Dreams pour en faire une vidéo en HD pour promouvoir mon clip vidéo que j'ai fait pour ma musique, ouais, par exemple. Dans ces cas-là, tu ouvres Dreams sur PC. C'est toutes des fonctions d'import-export qui sont super importantes. Donc, à mon avis, là-dessus, ça manque encore de développement. Voilà. Ouais, pour finir, Majo, tu avais un truc à rajouter ? Ouais, enfin, la manière dont vous en parlez, j'ai l'impression que vous pensez qu'il a été développé pour la PS5, quoi. Mais enfin, je me répète, pas du tout, hein. Enfin... Ouais, bah, la version VR, c'est, enfin, la majorité des jeux, c'est quand même une purée de poids. Hein. Tu sens que c'est adapté, mais que c'est bridé. En fait, j'arrive même pas. Enfin, c'est pas que je pense que c'est prévu pour la PS5, mais je pense que vraiment son potentiel est totalement bridé par le manque de puissance de la PS4. Hein. Je joue pas sur PS4 Pro, mais vraiment sur la PS4. C'est tellement créatif. Permet tellement de choses, il y a des créateurs qui ont fait des mises en scène qui sont magnifiques, mais qui sont dégueulasses en VR à cause justement de la puissance de la PS4, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, même si je suis pas sûr, en tout cas, effectivement qu'il a été prévu aussi pour la PS5, j'espère vraiment qu'il y aura un gap graphique en tout cas qui sera vraiment adapté et qui sera fait pour fonctionner sur la PS5. Ce sera vraiment dommage de développer ce truc là et de le laisser mourir avec la PS4, quoi. Je vais aller l'acheter, mais de toute façon c'est convenu dès le départ qu'il sera PS5. Oui, non, très certainement, mais je veux dire, vous écoutez. Il est pensé pour la PS4, ça. C'est un jeu qui a été annoncé limite il y a 10 ans, quoi. Enfin, pour moi, c'est ni plus ni moins que Little Big Planet, mais en plus gros. C'est ça. Parce que à son époque, Little Big Planet, c'était la même chose. Ouais. Hein. T'avais quelques niveaux qui étaient lancés dans le jeu, mais après tout était basé sur les créations de la communauté. C'est énorme par rapport à Little Big Planet. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est un Little Big Planet, mais beaucoup plus gros dans la partie création, si tu veux. Limite. Disons que Little Big Planet, c'était un éditeur de niveau. Là, c'est pas un éditeur de niveau. Mais oui, donc c'est pour ça que je te dis, ça va beaucoup plus loin. C'est plus gros. C'est le même principe. C'est en fait le rêve de départ des créateurs de Media Molecule, c'était de concevoir Dreams, en fait. Pour ça qu'ils l'ont appelé Dreams. Dès le départ, quand ils étaient interviewés sur le tout premier Little Big Planet, ils disaient toujours que le truc, ce qu'ils voulaient faire, c'est un jeu pour créer des jeux, que Little Big Planet, c'était juste un éditeur de niveau, et que déjà dans Little Big Planet 3, l'éditeur de niveau, il était encore monté d'un cran. Et au niveau du développement, ils ont passé beaucoup plus de temps sur cet éditeur de niveau que sur le contenu lui-même, en fait. Et le concept de Dreams, il est en béton armé. Ce qu'il y a, par contre, pour qu'il décolle, il faut qu'il ait des applications, des killer apps, quoi. Il faut qu'il ait tout un tas de trucs il faut que le joueur comprenne que pour le prix d'un jeu, il va pouvoir tester des tonnes de trucs. Pour le prix d'un petit jeu. Le prix d'un petit jeu, il va pouvoir tester des tonnes de trucs. Et surtout que ça n'a pas de fin, parce que plus les créateurs continueront, c'est là où la boucle est importante, c'est que si les créateurs sont félicités sur ce qu'ils font, ils vont continuer et surtout ils vont s'améliorer. Et là, et les joueurs, bah, du coup, ils auront plus de jeux. Et du coup, bah, ça va tourner en boucle et puis ça va pas arrêter de monter. Je me rappelle plus du nom du patron de... Je crois que c'est Alec Evans, c'est le deuxième qui avait parlé de ça. Ouais, il est parti. Qui avait parlé vraiment des trois phases de développement de Dreams. Et là, on en est qu'à la phase 1. La phase 2 était sur PS5. Il a démissionné. Sur une ouverture PC. et ça va être quelque chose comme ça. Dreams, okay. Il démarre. Le bel exemple, c'est que ça me rappelle un peu Disney Infinity. C'était un bac à sable avec un éditeur de bac à sable où c'est que tu pouvais prendre des objets dans une bibliothèque et puis te créer un petit peu ton monde comme tu voulais, qui était sorti sur PS3. Quand la PS4 est sortie, ce qui était rigolo, c'est que le Disney Infinity PS3 avec une mise à jour était compatible, du coup. Et du coup, tu récupérais en achetant le Disney Infinity PS4, tu récupérais tout ce que tu avais créé dans le Disney Infinity PS3. Et là, tu t'apercevais que le fait de passer de la PS3 à la PS4, tu avais un nombre de possibilités qui avait augmenté, qui était multiplié par 5, 6, 7. Ou sur le PS3, tu posais 3 objets et le machin, il avait déjà plus de mémoire, il n'en pouvait plus. Et je pense que la PS5, ça va être encore plus compliqué parce qu'il va falloir repenser le Dreams pour prendre en compte le SSD et toutes ces choses-là. Je pense que là-dessus, Media Molecule doit être en train de travailler là-dessus en ce moment, de façon à pouvoir récupérer tes créations que tu as fait, et puis là, du coup, bah, tu vas t'apercevoir que tu vas pouvoir créer des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus précis. Je pense vraiment que c'est quelque chose de puissant. C'est un projet en devenir, quoi. Et je pense qu'il faut pas le snober, il faut pas le parce que justement il va y avoir du lourd, mais il peut mourir aussi si justement les gens s'en lassent et que du coup il y a moins de création et du coup c'est une boucle, c'est une boucle qui si ça part, ça peut très vraiment partir à fond. Si ça part pas, par contre, ça peut s'écrouler. Justement, si on casse la boucle où les gens se lassent et qu'ils fabriquent des petites expériences qui ne fonctionnent qui leur rapporte rien, ou c'est pour ça que je parlais d'argent, parce que il y a quelque chose à creuser, il faut un détonateur pour que ça explose, quoi. C'est ça. Bon, je pense que de toute façon on aura l'occasion d'en reparler encore de Dreams. Majo, ouais, t'avais un truc à rajouter? Juste, je voulais dire, il y a une expérience là qui a été postée il y a pas très très longtemps, ça s'appelle Jungle Bill VR, donc pour PSVR sur Dreams, et je vous invite à aller la faire parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc Jungle, voilà. Comme la jungle, Bill comme Bill comme Murray. Bill, voilà. Et c'est vrai que c'est Arabi qui a fait une vidéo de présentation. Ouais. Ça a l'air techniquement assez balèze, hein, comme truc. C'est un TPS d'aventure. À mon avis, c'est pas le truc VR le plus moche que non, non, ça a l'air sur Dreams qui existe. Hein. Ça a l'air vraiment hyper travaillé. Il y a un petit aspect collect aussi dans le jeu, donc tu as des petits trésors à récupérer. Mais ça a l'air surtout très très détaillé et riche en, c'est ça, ouais. En décor, quoi, voilà. Donc allez-y, lâchez-vous. Si vous avez Dreams, Jungle Bill VR. Voilà. Voilà. Donc un exemple des nombreux talents qui peuvent travailler justement sur ce logiciel-là. On peut pas, on parle même pas de jeu, là, on peut parler que de logiciel, quoi. On peut parler de logiciel. Donc voilà, Dreams VR est enfin sur... Un dernier petit mot à tous les... S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui rêvent un jour de travailler dans le jeu vidéo... Appelez Laurent. Dreams, il le faut direct. Il vous le faut. C'est ça. C'est une bonne étude, en tout cas. C'est assez clair et net. Ah bah, avec ça, toutes les bases qu'ils retrouveront dans Unity ou dans Unreal, elles sont là, quoi. Et ça plaît aux filles. Et ça, c'est important. En plus. Et ouais. Donc, si tu veux pécho, achète Dreams. Bon, bref. Parce que... Travailler dans le jeu vidéo, ça ne veut pas dire tester des jeux vidéo, ça n'existe pas ce métier, c'est une légende. Merci. Ah bon. Travailler dans le jeu vidéo, c'est créer des jeux vidéo. La déception. Bah, qu'est-ce qu'on fout là alors ? C'est clair. Merci. Bah, nous, on est des bénévoles. T'as détruit nos rêves. Putain, c'est clair. Putain. Voilà, là, casser l'ambiance. Allez, sur ce, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Salut dans deux semaines. Les gens qui gagnent des sous en jouant aux jeux vidéo. Ah bah, les bêta-testeurs, ouais. T'as un petit peu. Bah, les bêta-testeurs, ils sont pas payés. Ah, si, sur Dreams, balles, sur Dreams, ils avaient été payés. Sur Dreams, ils ont été payés. Ils avaient fait une campagne. Oui, oui, c'était 160 euros, je crois. 300. 150 livres. 300 euros. Ouais, bah, 300 euros. Ouais. T'as à dire que j'avais failli être bêta-testeur pour Ubisoft. Tu vis pas avec ça, quoi. Disons que c'est la cerise sur le gâteau. Oui, voilà. Bah, tu vois, tu parlais d'argent, c'est vrai qu'on a oublié de faire le parallèle avec ça, mais. Te proposer d'être bêta testeur, bon, par contre, c'était un truc chiadé où t'avais un questionnaire et tout à faire, il fallait faire quelque chose de construit. Ah oui, c'est du boulot, hein. Il fallait parler couramment anglais aussi. Mais voilà, c'était quand même possible déjà de montrer que t'étais créatif via cette campagne de bêta test. Donc, très bien, et eh bien, les amis, je pense que l'émission touche à son extrémité la plus totale. Vous avez joué à quoi, vous, pendant cet été en VR? Pistol whip, j'ai cru que j'allais crever. Ouais. T'as perdu ton gras. T'as ressemblé à une méduse. Plus, ouais, voilà. Voilà. J'ai perdu mon gras. J'ai perdu 15 litres à chaque partie. Mais après, je suis parti en vacances et j'ai joué à rien du tout. Quelle idée. Et toi, Majo, t'as joué un petit peu cet été ? Moi, j'ai remis Firewall, sur lequel je m'amuse toujours autant quand j'y joue. Ouais. Je vais toujours aussi prenant et j'ai toujours le cœur qui bat à 200 à l'heure pendant les phases d'action. Tu m'étonnes. Et. Je vais pas être très surprenant, mais j'ai joué à Fall Guys. D'accord. Et ouais. Et puis ben Vader, hein. Et Iron Man. Et en fait, j'ai beaucoup joué. Ouais, mine de rien. Hein. Ah oui, Iron Man aussi. J'ai fini Iron Man. Mi-bout-à-bout. Ah, et The Last of Us aussi, le 2. Ah bah oui, pareil. Et tu l'as fini? Oui. Ah oui. Très très bien. Le bad, mais très bien. Ah le bad, hein. Ouais. C'est pas. Tu rigoles pas, quoi. C'est pas. Voilà, si t'as le cafard, joue pas, quoi. Tu vois le générique de fin, tu fais « Oh, j'ai passé un bon moment. » Ouais, putain, c'est... c'est tout le contraire, en fait. C'est un très beau jeu, magnifique, super réel, mais... À partir de quelle date on peut spoiler sur The Last of Us ? Oh, jamais, parce que jamais, tu vas te faire lâcher. Jamais, je crois. Ah, putain. On peut spoiler le 1, si tu veux. Il y a un passage, putain, il m'a gavé, ce passage. Mais bon. Bah, il y en a plusieurs. Ouais, t'as des scènes, t'as pas envie de les faire, quoi. Mais bon, moi, ça prouve que c'est la qualité des grands jeux, quoi. C'est des jeux qui te marquent et qui te ouais, remuent voilà, un ça. Petit peu. Ah oui, c'est dans tous les sens. T'es mal, quoi. Enfin, tu finis le jeu, tu te sens pas bien. C'est... Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. J'avais une gêne, tu sais. Voilà. Donc, mais c'était un très bon jeu. Magnifique. J'ai fini le jeu, je dis putain, c'est un chef-d'œuvre. Super beau, en tout cas. Ouais, ah oui, c'est une claque. Et puis ça fourmille de détails et tout. Enfin, franchement, l'aspect loot du jeu et moi j'ai adoré ça, j'ai adoré péter des vitres pour rentrer dans des pièces et tout récupérer, enfin, franchement c'est génial, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, chaque zone est quand même assez différente des autres, donc non c'est franchement très très belle réalisation. Ouais. Il y en a qui ont essayé Ghost of Tsushima ou pas? Non PS5 pour moi. Ouais. Ah, franchement il est sympa. Enfin, là, il m'a un petit peu tombé des mains. Je dois être à trois quarts du jeu à peu près. Mais le truc, c'est que, ouais, comme je disais en début d'émission, j'ai pris l'Oculus Rift S sur PC. Et du coup, je suis en train de me gaver, mais comme un gros porc de VR sur PC. Mais vraiment. Donc, j'ai fait Vader Immortal. J'ai fait The Blue. J'ai fait. En fait, j'avais déjà un casque avant, mais c'était le WMR de HP. Mais le problème, c'est que le casque il chauffait, Il était pas confortable, surtout ça qui m'emmerdait, c'est qu'il était trop lourd et il me tombait trop devant, enfin sur le pif quoi. Et au bout d'un moment, avec l'arceau, ça me faisait super mal au crâne parce que j'ai une énorme boîte crânienne. Donc du coup, parce que je suis très intelligent. Et du coup, voilà, je pouvais pas jouer extrêmement longtemps. Et là, le Rift S, mais c'est le jour et la nuit quoi. Il reprend justement le confort un petit peu. Il est pas aussi confortable que le PSVR, mais franchement, il s'en rapproche. Là, je passe des sessions de 4 heures tous les soirs sous mon casque, sans aucun problème. Et puis surtout, les contrôleurs, quoi, les contrôleurs qui sont les... Je crois que c'est les Oculus Touch, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment bluffants. Oui. T'as juste à poser ton doigt, tu t'appuies pas sur le bouton, tu poses ton doigt dessus et ça se matérialise à l'écran. Alors, au début, c'est un petit peu bizarre. Il y a une détection de tes doigts aussi. C'est exactement ça. Et même sur les sticks, sur n'importe quoi, en fait, sur tous les boutons, juste tu poses dessus et ça interagit dans certains jeux. Et surtout, voilà, et c'est adapté à tout le store Oculus, tout le store Steam. En gros, voilà, ça ouvre la porte vers... Donc tu vas être obligé d'avoir un compte Facebook. Ce que j'allais te dire, il s'appelle pas le Facebook S maintenant, ton casque ? En 2022, ouais, c'est ça. Donc du coup, il est plus vendu en Allemagne depuis cette semaine, d'ailleurs. Oui, depuis c'est cette semaine. Mais après, bon... À cause de la loi allemande. Non, mais franchement, je trouve ça dégueulasse de devoir obliger les gens, surtout ceux qui ont déjà le casque, à se connecter à un compte Facebook pour pouvoir l'utiliser et de virer l'Oculus Store. Mais après, pas non plus compliqué de faire un faux compte Facebook et puis tu l'appelles Pipo VR et puis... Ouais, mais c'est à partir du moment où... je vais me faire l'avocat du diable, mais quand tu veux uniformiser la communauté de ton matériel ou de ton... de ton logiciel, si tu veux, il faut essayer de l'enfermer un maximum. Il y a une petite société qui s'appelle Apple qui fait ça tout le temps, sur laquelle on crache pas du tout. Et j'ai envie de te dire les petits, il faut bien qu'ils commencent à un moment pour pouvoir devenir plus grand. Et quand on te fait créer un compte PSN ou un compte Xbox Live petits, ou un compte Facebook. Non, mais tu m'as compris, dans l'univers gros, quoi, global. Voilà. tu m'as compris. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un moment où il faut aussi ne pas lui taper dessus parce que c'est Zuckerberg et parce que il a l'habitude de se faire taper ça, dessus. Je crois que c'est ça le problème. Là, à mon avis, tu mets le doigt sur le truc. Je crois que le problème, c'est Zuckerberg. Parce que Facebook, il enquiquine pas mal de monde dans le monde et dès qu'ils peuvent lui taper dessus, ils tapent dessus. Voilà. Personne dit rien quand sur PS4, il faut créer un compte Microsoft pour jouer à Minecraft. Voilà. Donc c'est pour ça. Ça balance. Sachant raison garder et puis... la voix de la sagesse a parlé. Merci messieurs, bonne soirée. Oh là là, oh là là. Et je jette mon micro. Bravo. Oh, c'était bravo. Beau. C'était beau. Merci. Un grand moment. Ouais, enfin bon voilà, c'est un vrai problème dans le fond et dans la politique un petit peu de Facebook, qui a ses raisons, comme le disait Majo, mais qui est pas non plus incontournable quoi. Donc voilà, faut arrêter de. Si, il a rien créé quoi, il a rien inventé, je veux dire. Voilà. De quoi ? Je dis, il a rien inventé, il uniformise sa société et voilà. Plutôt que d'avoir un compte, c'est ça, il faut voir l'aspect pratique aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont un compte Facebook et plutôt que d'avoir un compte Facebook, un compte Oculus et un compte Steam, enfin non, Steam qui n'a rien à voir, mais je veux dire, tu auras tout ça sur un seul compte. Ouais. Mais on a toujours 50 comptes par personne maintenant. Justement. Dont certains, tu te rappelles plus que tu les as ouverts. Bah, la nuance du truc, je crois que c'est. T'as fermé ton compte Caramel de l'obligation l'époque. De créer un compte. En fait, à mon avis, Zuckerberg, il peut s'en sortir haut la main en disant à tous les utilisateurs, pour avoir... là, en gros, c'est si tu veux accéder à ça, tu es obligé d'avoir un compte Facebook. Du coup, ça s'est paru comme une obligation. Oui, parce qu'ils l'imposent. Mais ils vont s'en sortir en faisant un truc où c'est que ce ne sera plus une obligation, mais au final, tout le monde le fera parce que tu auras d'autres avantages à la place. Quoi. C'est ce que font tout le monde, donc... Bon, on verra ce que c'est pareil, hein. Si tu ne créais pas de compte Microsoft sur Minecraft sur PS4, tu ne peux pas jouer à Minecraft sur PS4, même si tu as acheté le jeu. Donc, et même ceux qui ont un compte Mojang parce que moi, j'ai un compte Mojang. Ah oui, hein. Parce que... Attends, Minecraft, j'en connais un rayon. Mon fils est un gros fan de Minecraft. On l'a depuis je ne sais pas combien de temps, Minecraft. Et à partir de telle mise à jour où ils ont refait vraiment tout le Minecraft... parce que Minecraft, il avait été... quasiment oublié sur PS4 et il y a eu un moment où Microsoft a mis un grand coup sur la PS4 et il y a eu des tonnes de mises à jour et à partir de là on avait le compte Mojang et puis à partir de là tu as une jolie fenêtre sur ta PS4 qui s'affiche avec créer un compte Microsoft et si tu créais pas ton compte bye bye ou alors tu gardes l'ancienne version de Minecraft La vieille version toute pourrie. Bah après, le truc, c'est que c'était sur un jeu. Alors, ok, c'est une oui. politique toujours aussi dégueulasse, et c'est Microsoft. Ça, ils ont réussi à le faire enfiltrer. Ça reste un compte. C'est un compte. Alors, c'est un compte qui migre. Ça reste une entreprise qui te force pour utiliser un produit à créer un compte chez quelqu'un qui, en plus, d'autant plus quand tu as une PS4, créer un compte chez Microsoft, ça peut paraître bizarre. Mais ça reste le même principe que finalement ce que fait Facebook. Et ça, il n'y a pas eu tout ce remue-ménage quand c'est arrivé, quoi. Le problème aussi, ce qui gêne, à mon avis, les utilisateurs d'Oculus, dont je fais partie, et qui utilisent également Facebook, c'est que moi, je ne veux pas que des informations soient diffusées sur Facebook, sur les jeux auxquels je joue, le nombre d'heures que je passe dessus. Mais tu auras certainement des options à cocher. Oui, d'accord. Tu l'as déjà sur le PSVR, ça, aujourd'hui, sur le mur PlayStation. Dès que tu joues à un truc, tu te connectes, que tu gagnes un trophée, ça se met directement sur la page du PlayStation, de la communauté PlayStation, si tu veux, où tous tes amis ou tous les gens avec qui tu es ami peuvent voir ce que tu as fait, si tu veux. C'est que tu n'as plus moyen de jouer peinard, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, quoi. J'aime bien être dans mon coin. Mais ça se désactive, hein. Ça se désactive, ouais, mais... Est-ce que vraiment il y a de la confidentialité là-dedans? Je sais pas. Ah, mais à partir du moment où il y a de la récupération de données, c'est toujours pareil. Hein. La récupération de données, la donnée, elle est récupérée. Après, c'est l'utilisation qui est légiférée, mais pas forcément la récupération. Si tu veux, la récupération, c'est toujours à ton insu, et c'est après quand ça sort que tu te poses des questions. De toute façon, t'es fliqué, t'as un smartphone, t'es fliqué, essaye. Le souci, c'est que Facebook, il a déjà un historique sur des procès, et des procès avec Cambridge Analytica. Où il y avait eu carrément je ne sais plus combien de millions de comptes qui avaient été pas piratés, hein, parce que c'est en fait Facebook autorisait une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica à récupérer ces données pour faire des statistiques. Oui, ils s'en sont servis pour l'élection de Trump. Il y a des gens qui s'en sont servis pour récupérer éventuellement. Alors il y a eu des éclaboussures avec Donald Trump pour son élection aux États-Unis où ces informations, donc la société Cambridge Analytica a été embauchée par des personnes de l'équipe de Trump pour justement cibler ces publicités à un électorat bien précis. Et c'est là où il y a eu ce scandale, c'est là où le procès... Quel monde merveilleux. Il en est fini. Donc il y a eu maintenant Facebook a une image quand même à posséder quand même plusieurs milliards de comptes sur la planète. Et il y a un danger potentiel. Alors les gens, c'est un petit peu quand Kinect est sorti, où les gens disaient une caméra à la maison, c'est ce que je parle dans la vidéo, les gens disaient mais si j'ai une caméra dans la maison, vous allez pouvoir me filmer quand je suis chez moi, quoi. Et là, il y a toujours ce doute. Alors au niveau de la loi, Zuckerberg reste complètement dans ses droits un peu partout, sauf qu'en Allemagne, il y a justement une loi qui protège les gens là-dessus et qui oblige une entreprise en fait une entreprise n'a pas le droit à forcer des gens à créer un compte sur un truc social et c'est pour ça que pour l'instant ils sont là en fait l'information c'est quoi? C'est qu'en Allemagne Oculus ne vendra plus de casque provisoirement. Le provisoirement, il veut dire qu'en fait ils vont faire une courbette pour passer au-delà de la loi allemande et puis ça va tout revenir d'aplomb, ça c'est sûr. Après, disons que c'est bien parce qu'en ce moment il y a tellement rien à dire que ça fait brasser du papier puis ça fait parler. Mais je suis pas trop inquiet là-dessus parce que de toute façon les GAFAM ils trouvent toujours pour rebondir et pour retomber sur leur patte. Moi je voulais juste te dire que j'ai acheté mon Oculus Rift S et je jouais beaucoup avec et je le trouve très très bien. Voilà, c'est tout. Rien à voir avec du reste. Mais maintenant que tu vas être sur Facebook, on va pouvoir te revoir en train de jouer et te pirater. Oh non, et savoir tout sur ta vie. Je veux pas. Non, mais voilà, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de l'ancien casque que j'avais, voilà, c'est le jour et la nuit en termes de qualité, de confort, de contrôle. Et même aussi par rapport au PSVR, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Il y a juste au niveau des contrôles des moves, on passe notre temps à chier un petit peu sur les moves, à raison, hein, parce qu'ils sont complètement obsolètes. Ouais, mais chaque année, oui, il en prend un peu plus dans la part, et c'est normal. Voilà, c'est ça. Alors quand tu passes des Oculus Touch au move, waouh, eh ben, je peux te dire que ça pique, hein, parce que le système de tracking est super précis. Il n'est pas irréprochable sur Oculus non plus, parce que tu as parfois, quand tu cherches vraiment des décrochages, moi j'en ai quasiment pas et je trouve que le tracking est extrêmement précis. Mais quand même, par rapport au move, avec des décalages, avec justement des décrochages, avec le fait de devoir rester à 180 degrés devant ta caméra. C'est pas comparable, quoi. Le système de caméra. Toi, t'as une DualShock, toi, t'as une DualSense. Nous, on a une manette de Nintendo Super Nintendo. C'est ça. C'est ça, hein, je pèse mes mots, c'est ça. Et tu vois, quand j'avais le WMR HP, je me posais la question à savoir si Star Wars Squadron, j'allais le prendre sur PS4 ou sur PC. Ah, ça y est. C'est le début du changement de bord, t'es viré, ça y est. Je pense que, je suis en train de virer de bord, là, maintenant avec le Rift S. Et vraiment, c'est clair et net que je vais le prendre sur PC, du coup. Mais j'ai une question à te poser, Saïd, du coup, tu as changé de casque, tu comptes changer de carte graphique, une 3090 en prévision ? Non, parce que certes, je suis, en plus d'être très intelligent, extrêmement riche, non mais ça va pas non. Merci Laurent prix, d'ailleurs pour ça. T'as vu la gueule du bazar, c'est un parpaing quoi. Elle est énorme. Non mais par contre, comme disent pas mal de monde et d'analystes, les 2080 et 2070, ça va descendre. Hein. Les prix bien sur l'occasion, sur le bon coin, je pense qu'il va y en avoir quelques-unes à vendre et ça va peut-être être l'occasion de faire des affaires quoi. Tu vois, ma 1060, je pense qu'elle va jarter. Ouais, je suis pas pro occasion au niveau des cartes graphiques quoi, parce que c'est quand même sensible. Ouais, vous voyez, j'achète pas de l'occasion. Donc voilà, c'est ça. Il a dit, il est extrêmement riche. L'argent n'est pas un problème. S'il vous plaît, je m'appelle Sey. Je rigole, hein, les auditeurs. Moi, je les vends, les cartes, sur le bon coin. Donc, je m'en sers relativement proprement. Je les nettoie de temps en temps, tu vois. Enfin, j'essaie d'en prendre soin. Après, t'es jamais à l'abri de rien. Tu sais, même une carte neuve, ma carte précédente, elle a cramé, elle avait un an. Hein. Pour le moment, je te dis, hein, j'ai une 1080 Ti, ça fonctionne largement suffisamment bien sur. Mais tu pourrais avoir du full ray tracing si t'avais une 2080. Oh, t'imagines, mais le ray tracing branlette. Oh, le RTX 01 là. Sur une 2080 Ti, c'est pas très vrai. Hein. Si, avec le DLSS et tout pour économiser les ressources. Non, ça c'est. Mais c'est de la branlette. 2080 Ti, tu as du ray tracing, c'est sûr, mais tu seras jamais à 60 FPS tout le long d'un jeu en full ray tracing. Ah oui, tu prends la 3070. Les nouvelles, par contre, oui. Là, il n'y a pas de problème. Pour le moment, pour te dire, avec la 1080 Ti, le seul jeu qui me fait un petit peu cracher ma carte graphique, c'est Alix. C'est Asgard Wrath. Ah non. Ah ouais, putain. C'est une exclu Oculus. Je sais pas si vous avez déjà vu des images. Me parle, si, ouais. Le nom me parle. C'est un jeu sur les Vikings, enfin sur les divinités nordiques. T'as Loki, t'as Poséidon, t'as le Valhalla, tout ça. Mais voilà, quand je le mets vraiment en full beau, je sens que ça ramouille un petit peu. C'est vraiment le seul. Tout le reste, tous les autres jeux que j'ai essayé, et j'en ai vraiment essayé un gros paquet là, zéro problème quoi. Ça ronronne comme il faut quoi. Donc, faut pas non plus. Tu peux pas toujours avoir le top du top sur PC, surtout vu les tarifs. Non, j'ironisais, mais bon, une petite 2080, il y aurait moyen de gratter. Hein. Ouais, on verra. On verra. De toute façon, je me connais, je vais péter un plomb au bout d'un moment. C'est comme pour le casque, hein. De toute façon, j'étais pas obligé de le prendre, le nouveau. En même temps, je regrette pas avec tout. Non, mais bon, c'est un cap au bout d'un moment. Il est pas si cher que ça, le Rift S. C'est un bon casque, franchement. Moi, j'aurais été sur PC, je pense que c'est là-dessus que je serais parti. Après, quand tu es vraiment, vraiment un amateur, même plus qu'amateur de la VR sur PC. Par rapport à tous les autres casques qui sont sortis, le Valve Index, le HTC, même le HTC Vive, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce casque-là, moi je trouve absolument dégueulasse au niveau Cosmos, du confort. Je le trouve lourd. Je trouve horrible. Mais bon, il y en a qui aiment beaucoup, et puis tous les autres types de casques qu'il y a, c'est vrai que le Rift S, c'est pas le meilleur, techniquement. Il n'y a pas de problème là-dessus, au niveau du tracking, c'est pas le meilleur non plus, tu as une micro-latence. T'as quand même une upgrade par rapport à ton WMR, quoi, donc... Quand tu es juste... Quand tu es juste, aimes bien la VR et que tu veux aller sur PC, franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix et tu peux jouer à tout. C'est une ouverture surtout à toutes les plateformes VR qui existent. Hein. Donc c'est ça qui manque, je trouve, à la VR. C'est un truc qu'ils ont réussi avec ce casque-là et même avec d'autres à mettre en place, sur l'environnement PC. Et c'est ce qui manque ça sur console, quoi. Et c'est un peu dommage. Ça va venir. J'espère. J'espère, putain. Donc voilà, c'était tout. C'était très bien. Ça, une rentrée qui s'est bien passée. Bah oui, quand même. mine de rien, malgré les difficultés. Et tu veux la faire jusqu'au bout ou t'es fatigué, Saïd, et tu veux que je fasse la fin? Non, ça va. Bon, c'est bon. Bah, tu... Allez, vas-y, non, vas-y. De quoi on va parler là, pour cette année là? De la PS5. De Dreams sur PS5. Bah, des jeux, oui, des jeux PS4 sur PS5. Des comparatifs jeux PS4 versus PS5. Ah ouais, on va faire des vidéos comparatives, ça c'est bien putaclic ça. Alors, c'est pas mal. Alors, avant la prochaine émission, sachez quand même, que je me répète parce que j'en ai parlé dans un article, mais pour ceux qui n'auraient pas vu l'article, le 15 septembre, c'est les 10 ans de nos PS Move. C'est la sortie, donc c'était sorti le 15 septembre, je ne sais plus quelle année, donc il y a 10 ans, on est en 2010 quoi. Et donc, est-ce que c'est un signe que Sony va enfin nous entendre et changer? Et bah, bonne retraite, j'ai envie de dire. Hein. Reposez-vous bien, mais sortez plus de voilà, votre, au revoir, votre carton. Au revoir, 10 ans, ça fait vieux. Hein, ah, c'est vieux. Hein, 10 ans. Alors, les cornets de glace, maintenant, il faudrait les ranger. Hein. C'est ça. Ça n'a pas d'allure, tout ça. Bon, bah en tout cas, moi je pense qu'on. Ouais, je m'en fais pas trop, on a quand même des choses à dire. Quoi qu'il en soit. Oui, je pense. Ça va se relancer, attendez. On va galérer, voilà, on va galérer un mois et puis après ça va être bien. Bon, allez, Majo, j'ai envie de te faire plaisir. Non, non, mais je voulais juste prendre soin de toi, Saïd. Parce que. Pas. J'ai pas du tout retravaillé la sortie, donc je suis pas prêt. Parce que je te fais confiance, je te fais, t'es un homme d'honneur, tu serais pas à me mettre de côté et puis à me jeter comme ça, à faire des briefings sans moi. Non, c'est pas voilà. Du tout mon genre. T'es comme non, un frère. T'es on comme était un frère là, on prenait le café tranquillou. À la vie, à la mort. Et donc, je vais te laisser. Jamais. Je vais te laisser faire du coup la fin. Donc, du coup, pas préparé. Ça tombe bien parce que je l'ai pas préparé non plus. Donc, tu sais, il faut dire où est-ce qu'on peut nous entendre. Il faut dire qu'on s'aime Oubliez tous. Pas de mettre, Alors, bah, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter donc via le site internet, sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, sur PodCloud. Et puis, pensez à venir sur le site. La chaîne, abonnez-vous, cochez la cloche. À bientôt, messieurs. Et... Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook et Twitter. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et Twitter. C'est vrai qu'on est un peu nouveau dans le suivi actif de la commu, donc. C'est clair. Merci à eux, c'est vrai. Ouais, ça, normalement, je dois m'occuper de Facebook un petit peu, de le faire vivre, chose que j'ai pas trop le temps de faire. Et du coup, je remercie un petit peu Marc Nossi sur Facebook de voilà de titiller un petit peu la communauté avec ses questions, même peut-être parfois c'est hors sujet. Il fait des votes, il participe bien. Et donc voilà, même si sans faire elle est certain, moi je te remercie parce que voilà, c'est cool et ça fait toujours réagir et c'est toujours bien de réagir, quel que soit le sujet. Donc voilà, merci Marc. Merci Say. Et puis merci à vous tous de réagir et de partager tout ce qu'on fait. On vit grâce à vous et puis on fait ça un peu pour vous aussi. Voilà. Et puis parce que ça nous plaît un peu quand même. Voilà, parce que c'est bien, on aime bien. Sur ce, amusez-vous bien à tous et puis à bientôt. À dans 2 semaines. Allez, ciao ciao. À dans 2 semaines. Ciao. Bye. Actor Studio. Donc, 1, 2, 3. Ok, on est complètement décalé. C'est parfait. Tu claques les doigts. En fait, c'est 1, 2, 3. Et en fait, au 4, tac. Ok. 1, 2, 3. Putain, c'est pas du tout calé. 1, 2, 3. Oh, mais t'as vraiment pas le rythme en fait. Putain, mais Laurent, t'es sûr que t'entends pas mon son avec un décalage? Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression. Pourtant, on parle normal. Hein. Bah ouais. Alors, 1, 2, 3. Tu m'as dit au 4 en tape. Et je tape au 4. Oui. Ok, très bien. Bon, bah, ok. C'est bon, on l'a le bêtisier. On l'a. Allez, Mongol quoi. Attends, je le fais moi. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Pourquoi vous tapez pas, vous? Mais moi j'ai tapé là. Moi j'ai tapé. Et j'entends pas. Mais c'est bon, mais c'est pas grave, de toute façon la piste elle entend. Donc, ouais, mais, okay. C'est... Ouais, mais maintenant c'est quelle tape qu'il faut prendre en compte parce qu'on en a fait 20. Je prendrai la dernière. Allez, bah quand tu veux. Bon. Bon alors, Laurent, là, pour le... Non, attends, faut que je fasse comment ? Je fasse une intro, je fais bonjour, genre, ah, salut Laurent, tu vas bien et tout. Bon alors, pour le prochain podcast, on va faire ça. Même pas besoin de dire Laurent, tu parles comme si l'émission n'avait pas démarré, donc comme si ça s'était enclenché. Genre briefing. Tu démarres direct, bon, on fait quoi aujourd'hui et tout ça, et puis moi, je te réponds comme ça calmement. Et... Ah ouais, c'est bon, je crois que j'ai un pitch. Oh, bon Laurent, le prochain podcast, là, ça se passe comment ? Prochain podcast, bah déjà on va avoir la paix.